Voilà, bonjour à tous, on est très content de vous retrouver pour un nouveau podcast rétro avec Nico. Salut Nico. Salut. Donc aujourd'hui, on va faire un podcast spécial sur la Coupe du Monde 94. Alors, je tiens aussi à féliciter Retroplay et Nico qui ont fait un super podcast sur la Coupe du Monde 78 récemment. Et cette fois, on va parler de la Coupe du Monde donc aux États-Unis qui s'est déroulée en 94. On avait 24 équipes qualifiées donc. Au niveau des villes choisies, on avait 9 villes avec Orlando, Pontiac dans le Michigan, New York, Los Angeles, San Francisco, Dallas, Washington, Chicago et Boston. Alors on va essayer de faire une rétrospective un peu complète de tout ce qui s'est déroulé durant cette Coupe du Monde. On va commencer par parler un peu de notre sentiment en France qu'on a eu durant cette Coupe du Monde. Toi Nico, le ressenti que tu avais avant que cette Coupe du Monde commence, même si tu étais jeune, pardon. Ouais, j'avais 9 ans, je connaissais pas encore, je m'intéressais pas énormément au football en fait. Hein, 2 ans après, c'est là que je commençais vraiment à mettre le nez dedans. Moi, cette Coupe du Monde aux États-Unis, je l'ai connue. Alors, je l'ai pas forcément connue grâce aux émissions et trucs comme ça. Je commençais à connaître un petit peu cette compétition grâce un petit peu aux jeux vidéo. Parce qu'on faisait beaucoup de pubs dessus, il y avait tous les produits dérivés qu'on pouvait trouver dans les bars, je me souviens dans les supermarchés avec la mascotte qui représentait un chien. Voilà, et puis moi après cette Coupe du Monde, c'est surtout les stades à ciel ouvert, voilà, c'est des stades qu'on voyait nulle part ailleurs. C'était surtout le jour, quoi. C'est vrai que les autres Coupes du Monde se jouaient souvent. Et même pour moi, quand je voyais un match de foot, la plupart du temps, c'était en soirée. Là, c'était l'après-midi. Le monde qu'il pouvait y avoir dans les stades. Voilà. Et puis, surtout, les buts, des buts magiques qui ont été marqués lors de cette Coupe du Monde. Voilà. C'est pour moi, c'est un petit peu le sentiment que j'ai de cette Coupe du Monde, quoi. C'est les couleurs, le spectacle. Le spectacle et surtout, ouais, les stades à ciel ouvert. Pour moi, c'était une grande première de voir des stades aussi grands, mais grands, c'était immense pour moi, des stades comme ça. Surtout qu'en plus, la plupart des stades faisaient... Enfin, il n'y avait pas de stade de moins de 50 000 places, quoi. Hein. C'était vraiment des grands, grands stades. Voilà, c'est un petit peu mon ressenti pour cette Coupe du Monde, quoi. Ah, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir des Coupes du Monde télévisées, entre guillemets, dans des stades aussi grands sur chaque ville. C'est vrai qu'au Mexique, en 86, on avait, par exemple, le stade Aztec, voilà, qui était vraiment impressionnant au niveau de l'architecture, qui avait été construit déjà dans les années 70, pour la Coupe du Monde 70, il était déjà présent. C'était un des plus grands stades du monde. Après, aux États-Unis, la population fait que déjà, les stades construits sont déjà très très grands à la base, même si c'est pour des stades universitaires ou voilà, il y a déjà des stades de 45, 50 000 minimum, quoi. Alors qu'en Europe, on est plus sur des bases de 20 000, 25 000. En Italie, par exemple, la Coupe du Monde 90, il y avait San Siro, le stade olympique de Rome. Le stade olympique, c'était le plus grand. Il y avait à peu près 70 000 places. 80 000 places, je crois, le stade. 80, ouais. Voilà. Et On arrive à des envergures énormes au niveau du spectacle. C'est sûr que tout est décuplé avec déjà 94, si on peut se rappeler l'époque aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont tout, quoi. Ils ont les stars du cinéma, ils ont les stars de la musique, ils ont tous les paysages, les voyages, enfin tout le monde rêve d'aller aux États-Unis, pas que pour le foot. Je veux dire, vous demandez à n'importe quel joueur de foot, ça on y reviendra plus tard, mais même pour l'équipe de France. C'était un rêve d'aller aux États-Unis disputer une Coupe du Monde, rien que par rapport à tout ce que représentait ce pays à cette époque. Voilà, le rêve américain, quoi. Ouais. Et bon, malheureusement, on verra que pour les Français. oui, ça n'a pas été. À deux secondes près, ça s'est pas joué. Voilà. Mais bon, si on peut revenir en fait sur cette Coupe du Monde 94. On sait avec l'histoire qu'elle aurait dû être jouée en 86 en fait. Malheureusement en fait elle a été attribuée une deuxième fois au Mexique pour des sombres histoires de droits télé qu'Avalanche en fait avait donné à un ami à lui qui possédait une chaîne de télé au Mexique. Et Nico, tu as une anecdote sur ça? Ouais, en fait, bon, il y a cette sombre histoire avec les droits TV. Et puis à l'époque, les États-Unis, ils auraient eu droit à la Coupe du Monde si la NASL de l'époque, donc le championnat des États-Unis, qui était quand même très connu parce qu'il y a eu énormément de stars, alors vieillissantes bien sûr, hein, Pelé, il y a eu Franz Beckenbauer, Gerd Müller, voilà, plein de stars des années 70-80 qui ont évolué là-bas. Malheureusement, ce championnat-là, il s'est arrêté en 84, ils ont fait faillite. Et déjà, ça a donné un gros coup dans l'aile pour l'attribution de la Coupe du Monde 86. Donc voilà, il y a eu ces histoires de droits télé, puis il y a eu aussi que, vu que les États-Unis avaient perdu un championnat majeur de football, ils n'ont pas eu gain de cause pour avoir la Coupe du Monde en 86. Ah ouais. C'est vraiment surprenant en fait d'avoir eu déjà le Mexique deux fois de suite pratiquement sur une courte période. Oui. C'est pratiquement jamais re-arrivé entre guillemets, même si c'est pas trop français ce que je dis. futur quoi, parce que même les JO, les Jeux Olympiques, en général il y a un roulement entre les continents et entre les pays. On évite de faire deux fois ou trois fois la même chose. Et là c'est un peu, on a eu l'impression que c'était un peu par défaut qu'ils ont redonné en 86 une deuxième Coupe du Monde. Au Mexique, ouais. Donc on a su à peu près pourquoi avec les explications qu'on a eues. Mais je veux dire, 86, c'était pas une Coupe du Monde ratée non plus, c'était une très bonne Coupe du Monde. Hein. Ouais. Ah non. Et mon 94, c'est un peu différent. C'est plus axé en fait sur tout ce qui est merchandising. C'est une des premières Coupes du Monde où le merchandising est hyper développé. Hein. Ça, voilà. Exactement. Et justement, comme je te disais, moi j'ai connu la Coupe du Monde 94 parce qu'à l'époque, je regardais du foot, mais je voyais des matchs, je savais pas qu'il y avait de championnat, je savais même pas qu'il y avait de la Coupe du Monde, tu vois, c'était vraiment tout nouveau. Et j'ai connu cette Coupe du Monde grâce, moi je vais te dire grâce à quoi, tu sais, c'est au truc, quand tu vas dans les bars, c'est pour touiller ton diabolomante, c'est la touillette, et dessus, la touillette, t'avais un énorme rond au-dessus de la touillette avec la mascotte de la Coupe du Monde. Et c'est tout connement comme ça que j'ai découvert cette Coupe du Monde. Alors, est-ce que tu sais le nom de cette mascotte? Striker. Ouais, bien joué. Parce que ouais, c'est en général les mascottes, on s'en souvient pas trop, on s'en souvient plus pour leur ridicule, mais pas. On se souvient plus de Footix, voilà. Ouais, Footix, c'est devenu un mot dans le dictionnaire, Footix. Voilà, c'est sûr. Bah, Striker, ça veut dire buteur, hein, attaquant buteur en anglais, quoi. Ouais. Ouais, c'est certain. Ouais, c'est. Mais c'était une belle mascotte, j'ai pas trouvé ridicule, moi, en fait. Non, c'est pas la plus ridicule des. C'était un petit chien fou, en fait, c'est ça. Bah, ça va un petit peu dans la continuité des euros où c'était les lapins. Pour l'euro, c'était des lapins. Je me souviens, pour l'euro 92, c'était un lapin. Même pour l'euro 84, pour la plupart des euros, c'était un lapin qui était dessiné. Et là, ils ont pris un chien. Alors, est-ce que ça a une signification spécifique? Je sais pas. J'ai pas lu. Sincèrement, je sais pas d'où vient cette mascotte, mais je pense que ça a sûrement un rapport avec tout ce qui est un peu toon, ces dessins animés. Parce qu'elle avait pas une tête franchement agressive, ni... Voilà, puis là, je viens, tout bêtement, là, je regarde sur Wikipédia, celui écrit en anglais, ça veut dire, c'est l'animal le plus adoré, le plus pris aux États-Unis, voilà, c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire un animal pour que ce soit plus... Plus convivial pour tout le monde, voilà. Que la famille vienne au stade. Voilà, exactement. C'est connoté famille, quoi, enfin. Exactement, voilà. Ouais. Donc en fait, pour résumer les villes qu'on a citées tout à l'heure, il y a 9 villes et comme par hasard, Orlando avec Disney World en Floride juste à côté. il y a souvent des grandes villes associées à des grandes entreprises qui ont été choisies. Donc il y a Ford et Pontiac à côté de Détroit. New York, moi je pense, j'ai beaucoup pensé en fait à la communauté européenne qui vivait beaucoup à New York à cette époque. Et bon, après tout ce qui est tourisme, on connaît, hein, New York avec Manhattan, ça automatiquement ça va attirer des gens. Bon, Los Angeles, Pasadena, tout ce qui est tout ce qui a un rapport avec le cinéma, Hollywood, voilà, voir des matchs de football et visiter la ville. Le Rose Bowl, qui est déjà connu pour ceux, parce qu'à l'époque, je me souviens que le football américain était retransmis sur les chaînes françaises. Il y avait eu la finale de Super Bowl 93, et en plus, le show de mi-temps était avec Michael Jackson. Ouais, ouais. Voilà, donc on avait un petit peu, quelques mois avant la Coupe du Monde, on avait une idée de ce qu'allait pouvoir donner cette Coupe du Monde. En plus, un match joué en fin de soirée, milieu d'après-midi, en coucher de soleil. Donc là, tu vois à peu près ce que ça pouvait donner de jour. C'était impressionnant, quoi. Ah, c'est certain, hein, c'est certain. Ils sont très axés sur tout ce qui est apparence aux États-Unis, alors que moi j'ai remarqué un truc, bon c'est un petit détail, mais par exemple la Coupe du Monde 94, c'est une des premières Coupes du Monde où vous avez des bannières en fait dans le stade pour bien afficher que vous êtes bien la Coupe du Monde et que c'est la 15e Coupe du Monde et qu'on est dans telle ville. C'est vrai. Alors que par exemple en Italie, il n'y avait pas aucune décoration dans les stades en fait. C'était que de la pub quoi. Que de la pub, ou alors vous aviez en fait des fleurs attachées aux tribunes ou des choses comme ça. C'était très. Bon, on n'était pas exactement sur le merchandising à volonté en Italie non plus, quoi. On avait fait 2-3 t-shirts basiques, hein, comme au Mexique ou ailleurs. Mais bon, les États-Unis, vous avez tous les produits dérivés que vous pouvez imaginer, quoi. Des gobelets, des tasses, des assiettes, des serviettes, c'est ça. Des pins. Tout, hein, de toute façon. Ça allait du slip au t-shirt. Non, mais c'est vrai, il y avait tout. Il y avait de tout, ouais. Après, au niveau des autres villes, on avait San Francisco. Bon, je sais pas pourquoi exactement ils ont pris le vieux stade en fait de l'université de San Francisco, Stanford, qui est au bord de la. Parce que bon, il y avait le stade des 49ers à côté, un peu plus moderne. Je sais pas exactement en quoi. Après, il y a eu les Jeux Olympiques aussi qui ont été joués en 84 à San Francisco. Il y a eu des matchs de foot. Bon après c'est un stade visuellement qui est pas du tout impressionnant, qui est un peu creusé dans la terre. Et pourtant il fait 80 000 places. Hein. Voilà. Ouais. Mais bon c'est vraiment un stade à l'ancienne celui-là. C'est un peu le stade pour ceux qui jouent à PES, c'est le stade Orion, je sais pas quoi là, c'est un truc comme ça. C'est vraiment un ovale. Ouais. Un ovale quoi, ça fait un ovale olympique, olympique, il est même pas fermé en fait. Même pas fermé, voilà. Il y a la piste d'athlétisme qui continue dans la tribune en fait, donc c'est un peu spécial. Enfin, si vous avez l'occasion de regarder des photos, vous serez assez surpris. Bon, c'est un stade qui n'existe plus aujourd'hui. D'ailleurs, oui. Donc, comme beaucoup, hein. C'est marrant parce que c'était des stades en fin de vie, alors que maintenant la FIFA elle demande des stades récents. Voilà, c'est sûr. Qui viennent d'être construits. Et je sais pas si on accepterait ces stades-là aujourd'hui dans une nouvelle Coupe du Monde. Tu vois? Bah, et en plus, quand tu regardes maintenant les stades, pour ceux qui suivent un petit peu la NFL, le stade de Miami, maintenant, ça devient un stade comme un stade de foot européen, quoi. C'est plus les bons vieux stades américains à ciel ouvert. Maintenant, ça va devenir des stades de foot à l'européenne, quoi. Et je trouve que ça perd un peu de son charme, en fait. C'est dommage. Ouais, on perd un peu l'identité, c'est vrai, du foot américain. Américain et sud-américain aussi, parce que c'est vrai qu'on avait parlé avec Retro des stades argentins, et c'est pareil, c'était des stades à ciel ouvert. Voilà, ça avait son côté côté charme américain, quoi, l'américaine, quoi. Ouais. Et pour une autre ville, on avait le choix de Dallas. Alors c'est un choix un peu spécial, Dallas, parce que... Il y a des matchs qui se sont joués, faut le rappeler, à 11h30 du matin, 14h, 17h pour les pays européens, TV, voilà, pour qu'on puisse les voir à 20h ou 21h chez nous, tranquillement. Et des joueurs de foot à midi, à Dallas, à 45 degrés en plein soleil. Ouais. Malheureusement, le stade c'était un des seuls stades, en fait, moi j'ai remarqué ça dans les stats, un des seuls stades où les matchs n'étaient pas complets en fait au niveau de des spectateurs. Un taux de remplissage de 70 à 60% parfois pour des matchs comme il y avait eu Nigeria Bulgarie. Il y avait eu un autre match avec la Bulgarie et les stades n'étaient pas remplis, donc à cause de la chaleur, quoi. C'est intenable, quoi, en plein soleil. Alors, bien sûr. Et on a eu des matchs assez très très très moyens, quoi. On avait très moyens à Dallas, c'était pas... Espagne-Corée du Sud, il y a eu aussi. Ouais, voilà, un autre exemple. Donc, après, on a eu Washington, la capitale, donc Normal. fallait bien mettre un match là-bas, quoi, enfin des matchs là-bas, je veux Le dire. FedEx Stadium maintenant, Ouais. c'était Robert Fitzgerald Kennedy Memorial Stadium, mais Ouais, c'est dommage, hein, parce que il avait le nom d'un président, on est arrivé à le nom d'une entreprise de courrier postaux. Donc Ouais. c'est un peu dégradant quoi, je trouve, pour la mémoire de l'ancien. Voilà. Après, le Soldier Field de Chicago, bon ça c'est le stade des Chicago Bears de Ouais. NFL. C'était un beau petit stade Ouais, c'est pas mal. qui avec l'histoire qu'ils ont complètement saccagé également. Mais bon, à l'époque, c'était un beau petit stade façon, comment dire, l'architecture un peu de guerre de sécession, en fait. Hein, avec un toit avec des piliers, des colonnes, en fait. Un très beau stade, en fait. Ben, d'ailleurs, il y a eu le match d'ouverture là-bas entre l'Allemagne et la Bolivie. Et bon, c'était un beau petit stade déjà prêt, en fait, pour les grands événements. Hein, Exactement. c'était assez moderne à l'époque. Et puis ils ont choisi également la ville de Boston. Alors sincèrement, moi, en re-regardant les villes, j'ai pas trop compris en fait le choix de Moi, Boston. j'ai peut-être une petite idée, c'est comme c'est assez proche du Canada. Ouais. Est-ce qu'ils ont voulu essayer de faire un stade proche du Canada pour que les Canadiens C'est pas puissent bête. venir voir des matchs à Boston? Parce qu'on n'est qu'à 5 heures de route par voiture, 5-6 heures, ça dépend d'où. Enfin, moi je parle de Montréal et de Québec, hein, mais après c'est 1 heure, 2 heures d'avion, donc c'est pas loin, quoi. Alors est-ce que c'est pour ça? Je sais pas trop, mais Non, non, c'est pas bête comme ça peut être idée. ça, hein. Je pense qu'en fait, Boston, en fait, en réfléchissant, le fait que ça soit près justement du Canada, ça a apporté un peu plus de, comment dire, de diversité dans le public, en fait, et Voilà. peut-être plus de fans de foot. Et puis bon, surtout qu'à l'époque, en plus, niveau football masculin, c'était zéro parce que voilà, il n'y avait plus de championnat professionnel. À l'époque, il devait, grâce à cette Coupe du Monde, ça on en parlera peut-être plus tard, mais il devait, grâce à cette Coupe du Monde, il devait obligatoirement créer un championnat professionnel. Et à l'époque, les USA, ils avaient le Canada avait un championnat légèrement plus supérieur que celui des États-Unis. Puis c'est vrai qu'au Canada, le soccer, comme ils l'appellent là-bas, a légèrement plus d'importance qu'aux États-Unis. Donc ils savaient que, je pense, hein, je sais pas, c'est qu'une suspicion, enfin, c'est qu'une voilà, une suggestion. Peut-être que Boston a été choisi justement pour faire venir les voisins canadiens. Après, ce qui est bien aussi, c'est que Boston, c'est un climat assez tempéré, en fait. Donc, Aussi, ouais. il y a eu pas mal de pluie lors des matchs, en fait, qui se sont déroulés là-bas. Et au niveau de l'organisme, c'est un peu rafraîchissant, entre guillemets, sans faire de jeu de mots, pour les joueurs, parce que la plupart des autres villes, bon, ils ont pas pris non plus le Nevada, heureusement, parce que Ah. jouer des matchs dans la Las Vegas. Mais je pense qu'ils ont dû essayer. Ouais, mais quand tu regardes les villes, c'est que des villes qui sont bien à l'est, bien à l'ouest, rien au milieu parce que c'est trop désertique. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que bon, ça a été choisi. Il y a certains endroits qui auraient peut-être été très bien. Je vois, il y a pas eu Miami de prix. Pourtant, Miami, ils avaient un beau stade à l'époque, Miami, hein. Ah ouais. Mais pourquoi non pas, ça n'a pas été pris, on saura jamais. Mais bon, écoute. Voilà, on a quand même des beaux stades à l'époque, bon, certains peut-être un peu moins beaux, mais voilà, à part Dallas où il y a eu peu de monde à cause de la chaleur, tout le reste c'était quand même assez plein à chaque fois, quoi. Ouais, c'est certain, ouais, que bah, de toute manière, le tirage au sort, il avait eu lieu à Las Vegas, en fait. Et tout s'est fait là-bas, sûrement pour l'attribution. Mais moi, ce que j'ai apprécié, en fait, on verra plus tard, c'est que la répartition, en fait, des équipes a été faite de façon très intelligente, suivant les fuseaux horaires. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des équipes qui n'ont pas joué à plus de peut-être 500 km de leur premier match, en fait. À vol d'avion, il y en avait pour, on va dire, 2 heures, 3 heures, quoi, maximum. Ouais. Et ça, c'est bien. Par exemple, vous avez l'Italie qui a joué à New York et à Boston, je crois, après, contre le Nigeria, mais je suis pas sûr et certain. Mais je veux dire, la plupart des équipes, en fait, ont joué comment dire, dans les mêmes régions, quoi. Donc, mais c'était à Foxborough qu'ils ont joué l'Italie. Voilà, c'est Boston, ouais, Boston-Foxborough, voilà. Donc en fait, il y a eu très peu de déplacements, quoi. À part peut-être, bon, il y a le groupe, vous verrez le groupe des États-Unis avec les USA qui ont déjà commencé à faire une tournée en fait dans leur pays pour que la Team USA pour prendre le nom aux basketteurs, une petite tournée dans le pays. Donc ils ont joué à Détroit au tout début et ensuite ils sont partis sur San Francisco, Los Angeles. Ouais. Une petite tournée, mais c'est, en général les équipes sont restées plus ou moins sur place, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le contexte un peu économique du pays à l'époque? Les États-Unis c'est un des pays les plus prolifiques au niveau du commerce, du tout ce qui est merchandising et spectacle télévisuel aussi, parce que ce qu'on verra dans cette Coupe du Monde, c'est une des Coupes du Monde où vous avez pour la première fois des caméras au bord du terrain dans tous les angles de vue, quoi. Il y a énormément de caméras. Comparé à 90 où vous aviez des plans des matchs sous le toit avec la caméra qui suivait le joueur au loin. C'était très intéressant au niveau tactique, si vous voulez. Vous pouviez très bien voir en fait ce qui se passait sur le terrain. Mais au niveau du spectacle, tout était ralenti. Alors que bon, ils ont pris, je pense qu'ils ont beaucoup calqué sur la NFL et ce qui se faisait au niveau du basket aussi pour retransmettre les matchs aux États-Unis. Et visuellement, on n'a jamais vu une Coupe du Monde aussi flashante à la télé, quoi. Tu te souviens un peu, toi, de comment dire des avant-matchs qu'il y avait, par exemple. Je t'avouerai, j'ai pas trop de souvenirs de ça. Parce qu'il y avait pas mal de... Ils faisaient un peu... ça se faisait pas vraiment, parce que je me souviens qu'en France, Canal+, c'était un des premiers à avoir innové, tu sais, pour la Ligue 1. Les avant-matchs, ouais. Voilà, les avant-matchs. Et là, aux États-Unis, comme ils faisaient déjà ça au niveau du baseball, du foot américain, on avait la chance de pouvoir voir les joueurs à l'entrée des vestiaires, s'échauffer, faire un tour de la ville au niveau de la caméra, voir les fans rentrer dans le stade. Enfin, c'était vraiment magnifique, quoi. Et donc on va passer maintenant en fait à l'équipe des États-Unis, en fait une équipe vraiment qui a été créée un peu sur le tard, en fait, parce que il fallait une équipe compétitive pour jouer cette Coupe du Monde. Et les États-Unis depuis 1990, ils étaient sortis un peu la tête en bas, un peu comme la Corée qui avait fait une Coupe des Confédérations lamentable en 2001 et qui organisait la Coupe du Monde 2002 avec le Japon un peu plus tard. Et l'équipe n'était pas du tout prête en 90. Il fallait vraiment construire une équipe. Et est-ce que tu te souviens un peu de toi, Nico, de cette équipe des États-Unis qu'ils ont créée un peu sur... Moi, la première chose qui m'a frappé, c'est surtout Alexis Lalas, en fait. C'est un mec qu'on connaissait peut-être un peu, parce que je pense qu'il jouait, ça doit être avant de jouer en MLS, qui a été créé l'année d'après. Il a joué en Allemagne. Ouais. Comme la plupart, ou comme beaucoup de joueurs des États-Unis, il y a que les Allemands qui sont un petit peu aventurés à essayer des joueurs des États-Unis. Moi après je connaissais pas trop les joueurs, mais moi Alexis Lalas il m'a beaucoup marqué parce que voilà, c'était un look que tu voyais nulle part ailleurs, quoi. C'était un mec qui était roux avec des cheveux longs, une grosse barbe. Ouais. À l'époque ça tu voyais pas ça. Je me souviens de Kobe Jones aussi avec ses petites rasta. Voilà, c'était des joueurs qui étaient pas forcément ils étaient pas mauvais, mais c'était pas non plus des bêtes de guerre. Mais ils avaient un look que tu pouvais pas louper, quoi, en fait. C'est certain. Ouais. C'est ça. Hein. À l'époque, pour rappeler, les États-Unis, en fait, au niveau musical, ils sont très axés sur la country, le grunge, en fait. Il y avait eu l'explosion de Nirvana avec les groupes américains aussi. Je sais plus à quelle année après Kurt Cobain est décédé, mais en 94, il est. Juste avant la Coupe du Monde, en fait. Juste avant, voilà. Et le look un peu d'Alexis Lalas, ça rappelle un peu tous les rockers, voilà. Ça rappelle, ouais les rockers, ça rappelle un petit peu les joueurs de country. D'ailleurs, lui, c'est un joueur de country. Il avait un groupe. Il avait un groupe de country, ouais. Et on l'avait vu dans des vidéos assez cocasses, je me souviens. dans les téléfoots de l'époque où on avait fait un reportage sur lui, où en fait le mec, il était complètement décalé dans la vie par rapport au métier qu'il faisait. Lui était passionné par sa musique et le foot c'était un à côté. Mais sauf que c'était un à côté où il allait jouer une Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. D'une façon surprenante, ça a été un des meilleurs. Et je pense que justement, son côté décalé comme ça a fait qu'il n'était pas stressé par Voilà. l'événement. Donc en fait, je vais juste revenir à un truc, c'est que la plupart des joueurs, en fait, n'avaient pas de club. Enfin, beaucoup n'avaient pas de club parce que donc à l'époque, il n'y avait pas de championnat professionnel. Et la plupart n'avaient joué qu'avec l'équipe des États-Unis et avaient préparé la Coupe du Monde en faisant des matchs amicaux partout. Donc durant la saison 92-94, t'as presque la moitié de l'équipe qui avait pas de club mais qui jouait qu'avec la sélection, en fait. Ouais, malheureusement, ouais. Parce qu'il faut savoir que au niveau du budget, en fait, comment dire, le ministère des Sports américain, je sais pas comment on peut l'appeler, ne donnait pas beaucoup de fonds à cette équipe-là. Et une des pires choses pour préparer cette Coupe du Monde, c'est que ils n'avaient pas de terrain d'entraînement. Ils étaient obligés de faire des matchs amicaux, comme tu dis. Et il y a même une anecdote où ils ont dû faire en fait des entraînements et des sélections de joueurs 1 ou 2 ans avant sur des parkings de supermarchés aménagés. Je sais Exactement. pas si vous imaginez la chose, quoi. Imaginez l'équipe de France de 98 s'entraîner sur le parking d'un casino à faire des séances de footing et d'accélération. Enfin, j'arrive pas à imaginer, quoi. C'est l'histoire belle, enfin c'est une belle histoire quand même, parce que voilà, t'es recruté comme ça, tu te dis bon bah en fait ouais, j'ai envie de jouer au foot, bon bah allez c'est bon, il y a un signe, on te prend, tu vois, enfin On verra si tu peux taper le voilà. ballon après, quoi. C'est vrai que je sais pas, à l'époque, t'avais que vraiment 3-4 joueurs qui jouaient en. T'avais Wijnaldum qui jouait en Allemagne, encore c'était en deuxième division, t'avais Tob Ramos qui jouait au Betis Séville, sans forcément jouer. Des matchs. T'avais John Herx qui jouait à Derby County. Après, t'avais un autre joueur Ernie Stewart qui jouait en Hollande à Willem II. Et puis t'avais Roy Vergel, je crois, c'était Weigl plutôt, qui jouait à Coventry en première division. Mais c'était pas des joueurs qui étaient titulaires, quoi. C'était vraiment des joueurs qui étaient dans les équipes réserves et trucs comme ça, quoi. Ouais, parce que pour le rappeler aux États-Unis à cette époque-là, le football, comment dire, le soccer, ils appellent ça, c'était considéré comme un sport féminin en fait. Bah, c'est toujours, hein, malheureusement, et Ça évolue, encore, ouais, ça revient, mais ça bon. revient un petit peu, mais C'est voilà. connoté quoi en fait, parce que vous avez le vrai foot pour eux, c'est le foot américain quoi. Voilà. Et Et puis. ouais. Excuse-moi, je te coupe comme ça, puis le problème des Américains, enfin c'est un problème, c'est pas pour les critiquer, hein, loin de là, c'est qu'en fait le foot, ils ont jamais réellement aimé le football parce que c'est trop rapide en fait. Le football européen, si tu veux, le football européen, il n'y a pas assez d'arrêts de jeu. Ouais. Parce que les Américains adorent du sport avec beaucoup d'arrêts de jeu. Quand tu regardes le foot américain, t'as énormément d'arrêts de jeu, t'as des matchs avec des cartons. Le hockey, le baseball, c'est pareil, t'as énormément d'arrêts de jeu. Le foot, pour eux, c'était pas très intéressant parce que voilà. Et justement, la NASL dans les années 70-80, ils ont dû aménager des règles à eux pour que ça devienne un petit peu plus attractif. Par exemple, les pénaltys, c'était pas Il n'y avait pas de prolongation, c'est ça? ben Il n'y avait pas de prolongation, c'était directement des pénaltys, c'était même pas des tirs au but où tu mets la balle sur le point de pénalty et Interdit, tu tires. voilà. Tu partais du milieu de Ouais. terrain, tu faisais comme en Et sur fait, glace, ouais. tu faisais comme au hockey, quoi. Tu partais du milieu de terrain et tu driblais le gardien. Enfin, c'était assez bizarre. Et ils faisaient beaucoup de coupures pour que les gens puissent acheter à manger, puissent faire autre chose pendant 5-10 minutes. C'est pour ça que le foot a toujours eu déjà, sans parler que le foot féminin soit plus imposé à l'époque, mais il y avait toujours un petit peu cette mauvaise image parce que il était trop rapide, quoi. Voilà, un match d'1 heure et demie pour eux, c'était trop rapide. Ouais, et puis il y a aussi le problème des télés qui veulent pas financer forcément ce sport Voilà. sur les chaîne de grand public, vu qu'il n'y a pas assez de temps mort, les pubs ne pourraient pas passer quand ils voudraient, pourraient couper Exactement. les matchs. Ah, c'est compliqué, hein, mais je pense que à l'époque où Pelé est venu aux États-Unis et jouer au Cosmos, quand la ligue s'est effondrée juste après son départ, pratiquement là, Bah, elle a commencé à s'effondrer en 82. Lui est parti en 78. Ça a bien marché pendant 4 ans. Puis après, de 82 à 84. D'ailleurs, la dernière saison, ils ont tout joué en salle. Ils ont rien joué sur les terrains. Ils ont tout joué ça en salle. D'ailleurs, le foot en salle américain était assez spécial aussi. Mmh. Parce que c'était pas du foot salle comme nous avec des touches, corner, un truc comme ça. Eux, ça jouait sur des terrains de hockey. Donc, en fait, si tu veux, t'avais pas de sortie de but, t'avais pas de touche. Tu tapais dans le mur, tu pouvais reprendre le ballon. Voilà, c'était, mais. Ça a mal fini, ouais. Ça a mal fini. Ça a pas plu. Il y avait plus personne. Et puis, ça a fait faillite à la fin, quoi. Ouais, c'est triste parce que. Si vous avez l'occasion de voir des images, quand le Cosmos joue avec Pelé et Beckenbauer, le Giant Stadium de New York était plein, quoi. Il y avait Kinaglia aussi, un attaquant italien né au Pays de Galles. C'était le meilleur buteur de l'histoire de la NASL. Malheureusement, le pauvre, il est décédé. Il était pas du tout apprécié. Enfin bref, ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, la NASL, dès 75 à 78, pendant 3 ans, c'était un spectacle énorme, quoi. Voir Pelé jouer, voilà, ça faisait venir énormément de monde, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'était que les droits télé, en fait, n'ont pas suivi, en fait. Et quand les stars sont partis, et malheureusement. Alors déjà qu'ils n'étaient pas sur des chaînes, nationales. C'était sur NBC, c'était sur c'était NBC, je crois, le deuxième ou troisième couteau de chaîne, quoi. Voilà. Malheureusement, c'était pas ça qu'il y avait en prime time, on va dire. Et c'est un peu le but en fait de cette Coupe du Monde 94, c'est de justement de valoriser le football et d'essayer d'implanter une ligue professionnelle masculine. Se racheter sur les ligues, voilà, et ça marchera. Ouais. Qu'on aime ou pas la MLS, c'est quand même une ligue qui a quand même vachement évolué depuis le tout début où ils étaient, je crois ils étaient que 8. Ils étaient que 8 dans la ligue et là maintenant ils sont plus de 20 dans la ligue, quoi. Donc c'est un football qui monte, hein. Ouais, bien sûr, mais je pense que même qu'ils ont carrément fait une ligue inférieure comme un peu Ils ont fait la deuxième NASL, en fait, la deuxième division. Enfin, en fait, c'est leur championnat, c'est des championnats fermés, hein, un peu comme les franchises, en fait. Ouais. Comme pour le basket et puis pour la NFL et le hockey. Et ils ont quand même des sous-divisions où la NASL est réapparue en 2011. Il y a toujours le New York Cosmos, t'as les Tampa Bay Rowdies, t'as Fort Lauderdale Strikers. Enfin, tu vois, t'as toutes les vieilles équipes. Ça a perdu de son charme. Mais voilà, mais le foot aux États-Unis commence à grimper un petit peu, et peut-être qu'un jour. Peut-être que l'équipe des États-Unis deviendra une équipe assez redoutable au niveau international, je sais pas, hein, peut-être. Mmh. Ah, mais c'est... Moi, je pense que déjà en 2006, l'équipe des États-Unis aurait pu aller en demi, voire un peu plus loin. Quand ils perdent. C'est 2002, pardon. Excusez-moi. 2002, ouais. Ouais, quand ils perdent contre l'Allemagne en quart, je crois. Ouais. Et là, ils avaient déjà battu le Portugal en phase de groupe. C'était une très belle équipe, les États-Unis. C'était une superbe équipe, ouais. Mais bon, c'était pour revenir à cette équipe de 94. Il y a pas mal de joueurs inconnus. Bon, comme on a dit, il y a des joueurs qui jouent en Allemagne, dont Borum avec Vinalda. C'était Sarbrook plutôt qui jouait à l'époque. Ouais, il a joué à Borum juste après. Ouais, après, ouais. Il a une valorisation. Sûrement, ouais. Ben, comme beaucoup, hein. Ouais, comme Lalas, il est parti en Italie, c'est ça, en série. Voilà, Lalas, il est parti à Pérouse, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est parti à Pérouse, hein. C'est peut-être pas sûr, mais voilà, donc c'est. Voilà, ils ont tous eu un. Ils se sont fait connaître à la Coupe du Monde 94. Bon, malheureusement, ça s'est pas forcément bien passé pour tous. Mais au moins ils se sont fait connaître comme ça et c'est à Padoue, pardon, Padova plutôt qu'il est parti. Voilà. Bah, il a joué 44 matchs pour 2 buts en 2 ans. Bon. Ouais. Mais bon. À l'époque, pour revenir sur Eric Vinalda, c'est un des meilleurs Américains en fait, au niveau technique, en fait. Parce que si on voit joueur par joueur l'équipe des États-Unis, c'est axé sur l'athlétisme et la vitesse. Parce que vous avez des attaquants qui savent pas forcément marquer des buts, mais qui sont très très rapides, comme Kobe Jones par exemple. Kobe Jones qui avait 2-3 dribbles assez sympas, mais bon, il maîtrisait pas tout. On va dire que c'était, pour parler d'un joueur moderne, on va dire que c'était un Djibril Cissé amateur, on va dire. Ouais, c'est ça. Un tout droit, mais bon, il y a des moments où il centrait, enfin, mais avant de rentrer dans le poteau de corner, mais bon, c'était un joueur assez spectaculaire parce qu'il avait des grandes enjambées. Et par contre, Eric Vinalda, c'était un grand technicien. Et pour rappeler la petite histoire, c'est qu'en fait, c'était un joueur qui a failli pas disputer la Coupe du Monde avec les États-Unis parce qu'il avait été renvoyé de l'équipe après une bagarre à l'entraînement avec un joueur. Mmh. Et c'est Bora Milutinovic, le coach serbe, qui le rappelle en fait pour participer à la Coupe du Monde. Et c'est un joueur qui finira avec 107 sélections, 3 Coupes du Monde jouées. Ouais. Donc finalement ça tient à rien à la vie mais, professionnelle. Parlons-en de Milutinovic, ouais. Ce mec-là, il a quand même fait deux exploits. 90, il va assez loin, il va avec le Costa Rica, ouais. Il fait une Coupe du Monde pas mal. Il s'arrête en quoi, en huitième de finale, je crois, ou encore, je m'en rappelle plus. Il fait un des deux, hein. Ouais, il va souvent loin et avec des joueurs presque inconnus. Et là, avec des inconnus, il va jusqu'en huitième de finale avec les États-Unis. C'est quand même pas rien, quoi. Mmh. Et puis on verra la façon dont ils se font éliminer, ça tient voilà. Vraiment à rien du tout. Pas grand chose. Ouais. Et mais Milutinovic, donc c'est un entraîneur d'origine yougoslave et serbe. Ouais. Et ben il est passé par la France en fait. Il a joué à New York. Monaco, il a joué à Nice. Ouais. Monaco, Nice, Rouen, ouais, voilà. Et donc c'est un joueur c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience au niveau mondial. Il a joué dans pas mal de clubs, entraîné pas mal de joueurs étrangers. Et donc c'est les États-Unis qui choisissent ce coach pour faire de l'équipe des États-Unis actuelle une équipe compétitive pour jouer leur Coupe du Monde chez eux, quoi. Ouais. Parce que ça va pas être évident. C'est un peu comme je comparais pas ça au Qatar 2022 parce que le Qatar ils sont capables d'acheter des joueurs déjà connus et, de les naturaliser pour leur pays pour les faire un peu comme au handball. Alors que là, ils partaient avec des joueurs américains, vraiment qui. Des joueurs de deuxième division, on va dire, ou troisième même, hein, troisième zone. Ouais. Donc, après, on a fait un peu le tour des joueurs. Le gros point faible des États-Unis à l'époque, c'est le gardien de but pour moi. Alors, Tony Meola. Tony Meola, je sais pas. Il a joué quand même 3 ou 4 Coupes du Monde, 3 Coupes du Monde, je crois. Ouais. Mais malheureusement, c'est un gardien de but. Qui est enrobé en fait. On se demande comment ils l'ont choisi. C'est un gardien de but qui a le look un peu d'un mafioso italien du New Jersey. C'est vrai, c'est vrai. Avec une queue de cheval. Et De toute façon, il doit avoir des origines italiennes de toute façon. Ouais, bah ouais. Avec ce nom-là. Et puis, Antonio Michael Meola, son vrai nom. Et bon, on verra sur le premier match des États-Unis où il joue contre la Suisse et c'est un gardien de but qui fait très très peur. Hein. Vaut mieux pas que les ballons soient cadrés. Hein, parce que... Mais bon, moi je l'ai comparé. Si tu te rappelles, de Peter Shilton en 90. Vaguement, mais oui, avec les images de maintenant, ouais. Quand il se prend Peter Shilton qui se prend le but contre l'Allemagne, il se prend un coup franc en fait, il n'arrive pas à sauter parce qu'il a un peu trop d'embonpoint. Malheureusement, quoi, voilà. Et parlons aussi, deux secondes des maillots des États-Unis. Pour moi, le maillot extérieur en version jean, pour moi, c'est mon préféré. Ouais. C'est mon deuxième préféré après celui du Zaire de 74. Mais pourtant, il a été élu le plus moche maillot de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est vraiment fou. Une mauvaise fou. Ah ouais. Parce que pour moi, c'est un des plus beaux maillots. Enfin, pour moi, ce maillot-là, ça sent bon la Coupe du Monde 94. Quoi. C'est propre aux États-Unis. C'est un maillot que seuls eux pouvaient porter. Mais en plus pour l'avoir maintenant faut sortir le porte-monnaie, hein, faut sortir les billets, hein, parce qu'il est très très très cher, quoi. Ah, c'est certain que c'est un maillot qui est même sur les sites comme eBay. C'est pas la peine, hein, il est trop cher de toute façon. Si vous le voulez, voilà, faut débourser pas mal d'argent, voilà. Trois fois son prix. Mmh. Et c'est un maillot qui est emblématique en fait parce que il représente un peu cette Coupe du Monde parce que voilà, c'est tout le côté flashy. Voilà. Qui est représenté dans ce maillot avec c'est un maillot étoilé en fait, bleu couleur jean. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 94, si on peut se rappeler aussi des maillots de première ligue avec Manchester, Liverpool, Arsenal qui sortaient des maillots Nike très très flashy avec des éclairs sur les. Bon, ça se fait plus trop maintenant parce qu'ils sont très axés sur. Maintenant, c'est flashy, il n'y a que la couleur qui est flashy et il n'y a plus de motif dessus en fait. Ça devait prendre un peu trop de temps à produire. Maintenant, ils sont plus axés sur. Comment dire, vendre beaucoup de maillots très très simple. C'est vrai. À l'époque, je pense que créer ces maillots-là, ça devait être assez assez long en fait. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai que ce maillot, ils ont joué en fait avec le maillot rouge et blanc en fait. Que le premier match. Voilà. Crois. Et tous les autres matchs, il y a eu quand même aussi le huitième pardon contre le Brésil. Enfin, le match avec le maillot en jean, je crois qu'il y a que le match d'ouverture, leur match à eux et c'est tout je crois parce que après c'est que le match le maillot blanc et rouge. Ouais, c'est un maillot qui a été vu une fois, mais je comprends pas vraiment l'histoire de dire que ça a été un des plus moches. Il y a eu C'est ce que j'ai lu, alors après je sais pas si c'était officiel, mais c'est ce que j'ai lu beaucoup le trouve immonde. Pourtant je suis désolé, pour moi ça fait un parti des plus beaux, un des plus originales de la Coupe du Monde avec celui du Zaïre, quoi, en fait. Mm-hmm. Et bon, sinon pour revenir à la préparation de cette équipe. Ils ont joué en fait, je crois que c'est un an avant, ils ont joué des matchs amicaux en fait contre l'équipe d'Allemagne et l'équipe d'Angleterre. Et ils ont fait des bons résultats. Je crois qu'il y a eu, faudrait regarder au niveau des stats, mais il y a eu des matchs nuls en fait contre les meilleures équipes européennes en fait. Ouais. Et juste avant, ils ont joué un match aussi contre la Grèce de pré-tournoi en fait de Coupe du Monde. Ils ont battu la Grèce à San Francisco 2-1. Et bon déjà c'était de bon augure, je veux dire, malgré le fait qu'il y ait des joueurs de seconde zone un peu, c'était assez encourageant, on va dire. Mais bon, après c'était des joueurs très techniques, très physiques, et ils avaient un background très au niveau de l'athlétisme très très poussé, donc ça les a beaucoup aidés, on va dire, à combler leur manque technique de courir partout, voilà. Après, tout ce qu'on peut dire d'autre en fait sur cette équipe de 94, c'est que ils ont eu la chance en fait entre guillemets de débuter dans une ville de pro américaine à Détroit, à Pontiac, en fait avec une base de gens très très populaire, un peu comme moi j'ai comparé ça en fait à 98 où l'équipe de France on a choisi Marseille en fait. Voilà, exactement. Pour vraiment donner toutes les chances parce que moi je voyais mal à l'époque, je le voyais pas forcément, mais par exemple vous faites jouer l'équipe des États-Unis leur premier match à Los Angeles, je suis pas certain que les gens viennent là pour encourager mais plus pour regarder en fait. C'est sûr. Et donc ça a été une bonne chose hein, parce que il y avait tout le bassin en fait ouvrier de la ville de Pontiac qui a soutenu l'équipe de A à Z lors du premier match contre la Suisse et ça s'est soldé par un bon match encourageant. Ah oui. Et puis l'autre anecdote qu'on a en fait, c'est que c'était pas forcément vu à la télé, mais après sur les images d'archives, quand vous avez eu l'occasion de voir. Des replays sur ESPN en fait de l'époque, il y avait le thème de Rocky en fait, la musique de Rocky qui était jouée avant l'hymne de la FIFA à chaque match de la Team USA en fait. Il y avait encore ce côté cinématographique, mise en scène en fait. Et d'ailleurs tu parles de l'hymne officiel de la FIFA, c'est la première année, la première Coupe du Monde où l'hymne est joué en fait. Ah d'accord. C'est vrai qu'en 90, on n'avait même pas le temps de voir. 90, je me souviens pas avoir vu l'entrée même des joueurs. On les voyait déjà à l'hymne national, je crois. Ouais, c'est possible, ouais. Et c'était. Comme quoi, déjà, voilà, ça montre qu'en 90, on ne faisait pas tout pour que visuellement, on ait tous les détails à chaque match, quoi. C'est vrai. À la télé, je veux dire. Donc voilà, on a présenté un peu l'équipe des États-Unis pour cette Coupe du Monde. On va passer maintenant aux équipes qualifiées. Alors les équipes qualifiées, c'est ça qui fait un peu mal pour nous Français, parce que malheureusement l'équipe de France passe à la trappe à quelques secondes en fait de sa qualification. Pourtant, elle avait toutes les clés en main avec avec leur groupe où à 3 journées de la fin, il leur manque un point. Et, ouais. et enfin 2 journées, on va dire carrément. Il leur manque un point, ils arrivent à prendre ils arrivent à prendre 0 point en fait. Ils font ils perdent, ils perdent bêtement contre l'Israël à domicile en plus. Voilà. Ils perdent 3-2 et ce fameux dernier match voilà le 17 novembre 93 qui restera à jamais gravé dans les mémoires des Français, ce match contre la Bulgarie et défaite 2-1 avec ce dernier but de Kostadinov qui nous attend qu'on attend à haï. Ouais. Voilà, avec un coup franc de Ginola complètement. Bah en fait, il tire le coup franc sur personne, quoi. Et il y a une contre-attaque fulgurante de la Bulgarie, puis Kostadinov qui t'envoie une patate dans le but de Lama, et la France est malheureusement éliminée. Et pourtant, en croire lors du tirage au sort de la qualification de cette Coupe du Monde pour la France, c'était déjà dans la poche, quoi. Ouais, c'était déjà dans la poche, surtout au niveau des tribunes avant le match, parce que si ouais. tu te souviens, ils avaient mis la musique l'Amérique là de Joe Dassin en fait. Ouais, Joe Dassin, ouais. L'équipe de France est tombée dans un groupe équilibré, président. Je crois très honnêtement qu'elle aurait pu tomber plus mal. Elle aurait pu effectivement tomber plus mal. On a évité ce qu'on appelle les grosses cylindrées, telles que la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, j'en passe, et la Hollande. Et nous voilà, bon, bah, maintenant embarqués, c'est vrai, encore une autre chance dans un groupe de 6. Mais donc, c'est quand même intéressant de se dire. Et vous avez oublié, président, la Bulgarie qui ne nous rappelle pas forcément de bons souvenirs en Coupe du Monde. Oui, c'est vrai, la Bulgarie, mais c'était une époque où c'était des barrages, où c'était par groupe de 4 ou de 5. Non, non, les choses sont tout à fait différentes, croyez-moi. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Benef, loin devant. Attention. Attention, Kostadinov. Et but. Oh, à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. Et mais il y a plein de joueurs qui ont révélé que... Emmanuel Petit, justement. Que, voilà, dans les vestiaires, ils avaient déjà mis les magnums de champagne sur les bancs, en fait. À la mi-temps, c'était déjà acquis, parce que... Même déjà contre l'Israël, en fait, ils ont dû arrêter la fête parce qu'ils avaient sorti des trucs. Pareil, ouais. Israël, contre l'Israël, ils gagnent 2-1 avec Ginola qui marque. Ah ouais, ils mènent 2-1, ouais. Et ils font l'exploit de se prendre 2 buts, quoi. C'est un match, vraiment, ils se sont relâchés. Et pourtant, cette équipe de France, qu'est-ce que je l'ai adoré, celle-là. Bah, non, mais c'était pour moi, c'était une des meilleures. Elle était meilleure que 98, celle-là, moi, pour moi. Bah, c'est normalement, ça aurait dû être meilleur que 98. Ouais, ouais. Bah oui, c'est vrai que sur le terrain, mais au niveau des noms qu'il y avait sur la. Tu pouvais pas faire mieux à l'époque. À l'époque, tu pouvais pas. T'avais quand même des joueurs qui étaient champions d'Europe avec Marseille. Voilà. T'avais le duo Papin Cantona qui marchait pas, qui a pas aussi bien marché en équipe de France. Non. Mais bon, ça avait quand même de la gueule. Mais voilà, il y a eu ce malheureux. Cette haine entre PSG, Parisiens et Marseillais, hein, qui s'est malheureusement ressentie dans le vestiaire. Mmh. Et quand tu as une mauvaise ambiance comme ça, malheureusement, ça peut pas marcher. Bah voilà. Ça se ressentait déjà à l'entraînement, il paraît. Dugarry en avait parlé, que lui, quand il était arrivé en équipe de France, on lui avait mis 2-3 taquets par derrière pour lui signifier que les Marseillais, c'est eux qui faisaient la loi ici. Voilà. Et que même les Parisiens, comme Le Guen, Ginola, ils n'avaient pas forcément leur mot à dire. Mmh. On a même vu une séquence surréaliste avec Ginola qui fait une conférence de presse tout seul dans un coin à Clairefontaine, pendant que les autres joueurs sont à côté. Pour expliquer son mal-être dans l'équipe, qui comprend pas pourquoi il n'est pas titulaire alors que c'est le meilleur joueur de Ligue 1 actuel, des choses surréalistes, quoi, dans un groupe, je veux dire, même si on a les meilleurs joueurs sur le terrain, c'est pour ça que tout à l'heure je tiquais un peu. Un Didier Deschamps, je veux dire, on lui pose la question aujourd'hui, il dira ouais, mais le papier ça fait pas tout, faut que ça soit un groupe, une cohérence, etc. Et malheureusement, il y avait trop d'individualité en 93 avec l'équipe de France. C'est ça. Franchement, sincèrement, je pense que vous demandez à n'importe quel supporter de l'équipe de France à l'époque, personne ne sentait que l'équipe de France allait se faire éliminer. Ah non. C'est celui qui dit ça, je pense qu'il était devin ou alors il était dans le vestiaire. Mmh. Et supporter même, Et c'est impossible. Moi je me souviens encore à l'époque, je sais plus quel âge j'avais en 93, je devais avoir 16 ans. Et ben je me souviens, je regardais le match France-Bulgarie. Il restait, je sais pas, il restait 10 minutes à jouer, 5 minutes à jouer. Je suis parti dans la cuisine faire je sais pas quoi, manger un truc, et pour moi le match il était plié déjà, c'était terminé. Jamais de la vie j'aurais imaginé que l'équipe de France se fasse éliminer, on était serein quoi. Et après moi j'ai eu des anecdotes au lycée à l'époque avec des gens qui étaient partis voir le match. Ils m'ont raconté que au moment du coup franc de Ginola sur le côté droit, Ginola qui veut centrer pour Cantona mais il la met trop loin en fait, tous les joueurs sont dans le rond central en fait et ils sont en train de discuter. Il y en a qui sont même pas en train de regarder l'action. Et justement quand ils voient que la balle est en train de revenir, ils sont tous en train de se replacer, mais c'est déjà pratiquement trop tard quoi. C'est pour ça que la balle remonte aussi vite. Il y a énormément de vitesse sur ce contre et je pense que les Bulgares, ils ont senti qu'il fallait, mordre à ce moment-là parce que les joueurs n'étaient pas du tout concentrés. Voilà. Enfin voilà, on va. Et puis on a foutu la faute, enfin surtout Gérard Rouillet avait foutu à l'époque la faute sur Ginola en disant que ben voilà c'était lui, c'était à cause de lui que l'équipe de France avait perdu et franchement. C'est lamentable. C'est lamentable. Parce que lui déjà il a pas su tenir son groupe. Non. Si vous voulez comparer les deux époques, moi je compare ça un peu à 2010 où Domenech il perd le contrôle à Nakhna. Quoi. C'est lui, il coule en Coupe du Monde, Domenech, mais à la limite ça aurait été mieux qu'il se fasse éliminer contre l'Irlande, comme la France contre la Bulgarie. Voilà. Parce que sincèrement, pour être ridicule après en Coupe du Monde et que. Enfin, 2010, ça n'a rien apporté à l'équipe de France, ça a fait perdre beaucoup de temps à tout le monde. Et justement, 93, 94, ça a fait gagner énormément de temps à l'équipe de France, parce que peut-être que sans ça, si l'équipe se qualifie et que finalement, en fait, il se passe rien, peut-être qu'on n'est jamais champion du monde en 98. Ouais, c'est possible, ouais. Et finalement, moi, je dis merci à Ginola. Ouais. Si un jour il nous écoute ou quoi, merci David. Ouais. Et puis Gérard Rouillet, bah écoute, tu te mets du côté des plus faibles toujours, des plus forts, je sais pas comment on peut se placer, mais bon. En tout cas, Aimé Jacquet, pour reprendre l'équipe, il a eu des coronets énormes, hein, parce que il faut passer derrière tout ça, quoi. C'est sûr. Évident, quoi. Donc voilà, France-Bulgarie, on vous mettra un petit son pour écouter. Ouais. Et se refaire mal. C'est pas une bonne période pour tout le monde. Mais comme tu dis, il a fallu passer par là pour voir quelque chose de beaucoup beaucoup meilleur par la suite, quoi. Ouais. Il fallait peut-être ça en fait. Le destin a fait de bonnes choses pour nous finalement. Voilà. Merci les Bulgares. Merci. Voilà. Donc en fait, ouais, au niveau des équipes qualifiées aux États-Unis, on avait surtout l'équipe d'Angleterre éliminée également. Donc l'Angleterre était dans un groupe pas facile, il y avait les Pays-Bas avec eux en fait, donc c'était pas forcément gagné non plus. Parce qu'à l'époque c'était les deux. C'était le premier ou le deuxième meilleur, les deuxièmes meilleurs après? Ou alors est-ce que c'était les deux premiers à chaque fois? Pour la Coupe pour du Monde. Ouais. Deux premiers automatiquement ou alors le pour premier. Pour laquelle la Coupe du Monde 90, non? 94. Pour 94, c'était les trois meilleurs, en fait. Ouais, mais. Il y avait les deux premiers qui étaient qualifiés. Et après, qui était qualifié d'office, et après c'était le meilleur troisième en fait. Un peu comme il y a eu pour l'Euro 2016. D'accord. Ouais, mais je parle au niveau des qualifications après. Ah pardon, excuse-moi, je crois qu'il y avait les deux qualifiés, puis je pense. Parce qu'en fait, t'avais des groupes de 6 et des groupes de 7. D'accord. Voilà. Et la France, justement, était tombée dans un groupe de 6 et c'était les deux premiers qui étaient qualifiés pour les groupes de 7. Je pense qu'il devait y avoir un barrage pour une certaine place, en fait. D'accord. Ouais, c'est possible. Après, j'ai pas souvenir de ça. Mais en tout cas, il y a trois gros absents, en fait. Bon, c'est le Danemark, la France et l'Angleterre. Parce que le Danemark, ils sont champions d'Europe en 92. Il y avait une très belle équipe avec Laudrup, Olsen, tous ces joueurs-là. Schmeichel, au gardien de but, parce que Schmeichel, franchement, ça aurait été super de le voir à la Coupe du Monde. Ah oui, il était au top de sa forme en plus avec Manchester, donc. Il y a deux joueurs de Manchester qui n'y sont pas, quoi. Kanto oui, et Schmeichel. Les meilleurs. C'est triste, quoi. C'est vrai. C'est vraiment triste. Après. T'as la Tchécoslovaquie aussi qui n'était pas qualifiée. Ouais, les Tchèques, c'était une belle génération également. Et d'ailleurs, là, tu parlais aussi que la France avait été éliminée dans les dernières minutes. Il y a une autre anecdote, c'est le Japon aussi qui était pratiquement qualifié à la dernière journée. Et si tu veux, il fallait absolument, enfin, fallait qu'il gagne l'Irak. C'est, ouais. Normalement, ça devait être dans la poche l'Irak, hein, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas non plus l'Irak qu'on, enfin, c'était pas une équipe formidable l'Irak. Et en fait, ils font match nul. En fait, ils mènent 2-1 et le 2-1 dans les toutes dernières secondes. Enfin, ils marquent à la 80e minute. 2-1, ils sont qualifiés, ils sont tranquilles. Sauf qu'en fait, ils se relâchent, ils laissent le ballon aux Irakiens qui obtiennent un corner. Corner, l'autre il met la tête, il y a but et le Japon au dernier moment ne participera pas à la Coupe du Monde et il laisse la place à l'Arabie Saoudite et à la Corée du Sud en fait. Ah d'accord. Mais... Ça s'est passé un petit peu comme la France quoi. Il y a eu un relâchement dans les toutes dernières minutes. Ouais. Sauf que la France ils avaient une journée de plus quand même. Ouais. Ils avaient une journée de plus. Voilà. Ouais. Voilà. C'est encore pire. C'est sûr. C'est encore pire. Ouais. Mais pour relativiser la chose, c'est que la Suède et la Bulgarie ils vont être demi-finalistes à la Coupe du Monde. Donc finalement on perd pas contre des mauvais, je veux dire. On perd pas contre des mauvais et si tu regardes bien le groupe de la Bulgarie, on serait tombé si on avait pris la place de la Bulgarie, on aurait tombé contre le Nigeria, l'Argentine et la Grèce. Ouais. Bon la Grèce aurait été sûrement facile, après l'Argentine, le Nigeria, à mon avis, ça aurait été beaucoup plus compliqué quoi. Ouais, c'est certain. Justement, on va parler des groupes. Ouais. En fait, on a le groupe A avec le pays organisateur, les USA, la Suisse, la Roumanie et la Colombie. Au niveau des stars présentes sur le terrain, au niveau de la Suisse, il y a Sforza, il y a pas mal. Chapuisa, des joueurs qui jouent en Bundesliga. Alain Suter aussi, qui était très reconnaissable avec sa chevelure blonde assez longue. Ouais, le pote rocker Alexis Lalas. C'est ça. Ouais. Et je crois qu'il y avait un autre joueur aussi suisse, mais bon après les Suisses, bon c'est des bons joueurs, mais c'est pas non plus des stars dans leur club. Voilà, ouais, c'est des joueurs qui sont pas forcément titulaires dans les grands clubs où ils jouent. À part Chapuisa qui joue à Dortmund, lui qui arrive à être titulaire dans son club. Après le reste, certains peinent à s'imposer quoi. Ouais, voilà. Et la Roumanie, c'est pareil, c'est une nouvelle génération, mais en 90, ils n'ont pas été ridicules non plus. Ah non. Et donc on a Hagi en fait, qu'on va on va surnommer le Maradona des Carpates après cette Coupe du Monde. Voilà. Qui va nous gratifier de superbes buts venus d'ailleurs. Il y a Florin Radiociu aussi, un futur avancé du Milan AC. Popescu. Dumitrescu, Petrescu, qui ressemblait à David Duchovny de... Ah mais oui, non mais sans déconner, il se ressemble vachement quoi. Ouais. Et puis t'as Stelea aussi. Bogdan Stelea. Ouais. Ouais, il y en a. Mais la Roumanie, par contre, ouais, c'est. À chaque ligne, en fait, il y a des super joueurs, quoi. C'est vrai. C'est vraiment la génération dorée de la Roumanie. Qui va vraiment aller jusqu'à 98 en fait finalement, voire 2000, hein, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont... Ah bah 2000, c'était un bel euro pour la Roumanie aussi. Hein. Ouais, ils vont aller très loin ces joueurs. Ouais. Et la Colombie, la dernière équipe de ce groupe-là... Bah Valderrama. C'est une des favorites en fait de cette Coupe du Monde. Bah ils avaient bon, excuse-moi du terme, défoncé l'Argentine lors de la qualification pour la Coupe du Monde. Ils avaient battu en Argentine en plus l'équipe de Maradona 5-0. Bah, c'était pas rien et ils faisaient partie vraiment des prétendants. Ils avaient un jeu à une touche de balle qui était vraiment super beau à voir. C'était beau quoi. T'avais Valderrama, t'avais Faustino Asprilla. Bon, malheureusement, on en parlera plus tard, tu avais Andrés Escobar, mais lui, on le connaîtra plus pour d'autres choses un petit peu moins glorieuses, malheureusement. Ouais, mais tu avais une superbe équipe, quoi. Oh, bien sûr. Il y avait il y avait un jeu très léché, très copié sur... Il y avait un mélange de Brésil et d'Argentine dans leur jeu. Voilà, un petit peu, ouais. Et c'est comme s'ils avaient tout, en fait, pour aller loin, mais... Le petit truc. Voilà, on verra qu'ils n'auront pas le mental en fait. Ils supporteront pas le fait d'être favoris. Je pense que c'est une équipe qui aurait très bien joué en fait. Les outsiders. Voilà, comme la Roumanie par exemple, que personne n'attendait. Et finalement, ils ont sorti leur épingle du jeu quoi. C'est vrai. Et bon, donc voilà, on a ces quatre premiers groupes avec des matchs qui se dérouleront à ces quatre premières équipes qui se dérouleront qui joueront leur match à San Francisco, Los Angeles et Détroit. Ensuite, le groupe B avec le Brésil, la Suède, le Cameroun et la Russie. Ouais. Le Cameroun, toi qui connais bien le Cameroun, est-ce que tu peux en parler? Bah, disons que c'est une équipe qu'on attend au tournant après 90. C'est vrai qu'ils avaient terminé quart de finaliste. C'était la première fois qu'une équipe africaine allait aussi loin. Bon, ils ont perdu en plus en, contre l'Angleterre dans des conditions un petit peu. Voilà, on va pas revenir dessus. Il y a eu quelques erreurs d'arbitrage qui les avaient désavantagés. Mais c'est vrai qu'ils arrivent aux États-Unis avec. Je peux pas dire un statut de favori, mais on a envie qu'ils confirment leur exploit de 90. Sauf que le problème, c'est que la plupart, il y a une équipe vieillissante. On a quand même Roger Milla qui avait arrêté le foot, mais qui a repris pour, qui a repris. Il a 42 ans. C'est quand même la première fois qu'on voit un joueur aussi vieux. Alors 42 ans, c'est pas vieux en fait, hein, pour un joueur de foot. C'est vrai que maintenant, ce serait complètement ahurissant de voir un joueur de 42 ans sur un terrain. Voilà, c'est une équipe qui est vieillissante, qui est une équipe, voilà, t'as la moitié de l'équipe de 90 qui a arrêté la sélection, donc t'as une nouvelle équipe. Malheureusement, on verra que la mayonnaise ne prend pas et que, mis à part le premier match où ils font un très bon match, après, voilà, il y a encore les problèmes de primes, comme à chaque Coupe du Monde avec une équipe africaine, il y a des problèmes de primes. Donc ça dégoûte un petit peu les joueurs, ils veulent pas jouer, ils jouent qu'à demi, ils jouent pas à plein régime. Voilà, bon, on en parlera après des résultats, mais ouais. C'est une équipe qui s'avérera en fin de compte décevante, quoi. Ouais, c'est certain, mais bah, après on a des joueurs quand même qui feront deux autres coupes du monde derrière pratiquement avec des joueurs comme Rigobert Song, Marc-Vivien Foé. Voilà. Il y a le gardien de but très connu aussi. Tu avais Joseph Antoine Bell. Voilà, Antoine Bell. Song, mais lui, c'est deuxième ou pas, je sais plus. C'était le deuxième gardien, Joseph Antoine Bell, ce sera sa dernière coupe du monde. D'accord. Et des super beaux joueurs pour le Cameroun, très techniques. Et moi, franchement, j'ai été déçu en fait de les voir un peu abandonner la compétition quand ils n'ont pas reçu les primes escomptées pour leur qualification déjà. Et le 6-1, ça veut tout dire. Hein. Ça fait penser un petit peu, malheureusement, à l'équipe de Zaïre de 74 qui avait abandonné contre la Yougoslavie, qui avait perdu 9-0. Enfin voilà, c'était. C'est dommage qu'à chaque Coupe du Monde il y a toujours un problème de prime et qu'on voie pas l'équipe à plein régime. Je suis sûr que le Cameroun aurait eu leur prime, ils auraient sûrement montré un deuxième visage, ils auraient sûrement terminé aussi meilleur troisième. Parce que là c'est la première, c'est fait partie des groupes où il n'y a pas de meilleur troisième là en fait. Il n'y a que les deux premières équipes de qualifiés. Ouais, il aurait fallu un match nul contre la Russie quoi, quelque chose comme ça. Voilà, ouais. Après, ils avaient un groupe pas facile, hein. Brésil-Suède, c'est vrai que c'est quand même c'est compliqué. Hein. Même la Russie à l'époque, ils sont pas passés, ils proposaient un jeu pas dégueulasse non plus, quoi. C'est sûr que si on compare tous les groupes et qu'on cherche entre guillemets un groupe de la mort, on va dire que c'est plus ou moins celui-là, quoi, parce que finalement, Brésil-Suède, si on regarde toute la compétition, Brésil-Suède, c'était les équipes les plus fortes qu'il y avait. Ouais. Et bon, le Cameroun, s'ils avaient joué leur jeu, ils auraient pu être dans les troisièmes meilleurs. Mais bon, malheureusement, voilà. Après, la Russie, moi, je me souviens de cette équipe-là. Elle avait joué un match amical à Caen, en fait, au nouveau stade de Caen qui avait été inauguré. Ouais. Vous avez pris 3-1 par la France, je crois. 3-1, ouais, c'est ça. Et bon, encore des regrets pour la France, quoi. Quand on voit que la Russie se font complètement exploser, laminer, en fait. Ils n'avaient pas vu le jour contre la France. Voilà, quoi. La Russie, pour moi, c'était perdu d'avance, quoi. Vu leur niveau qu'ils avaient montré en match amical contre la France avant la Coupe du Monde, moi, je m'attendais à rien du tout d'eux, en fait. Hein. Ouais, c'est sûr. Et en plus, quoi, on sait que déjà en 92, ils avaient explosé. C'était la CEI, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et ils ont changé de nom entre-temps, je sais plus comment ils s'appelaient maintenant. Donc finalement, ils sont arrivés avec des joueurs qui n'étaient pas forcément pour jouer pour le pays. Bien sûr. D'autres qui ont dû revenir, d'autres qui ont dû partir. Enfin, la préparation C'était complexe, ouais. Voilà quoi. Après la Suède, pareil, c'est une grosse équipe parce que t'as des joueurs déjà confirmés en Europe avec Thomas Brolin en 92. La Suède en 92, ils ont été très bons, ils ont été en demi-finale de l'Euro. Et t'as Dalin aussi là, Dalin, Brolin, Brolin est malheureusement il est sur le déclin lui parce que juste après l'Euro 92 il va complètement se perdre. Ouais. Mais t'as Dalin, t'as Blomqvist, t'as des sacrés joueurs hein. Quelle personne qui joue à Caen aussi. Hein. Qui joue à Caen, t'as Klaasingesson aussi qu'on verra à Marseille quelques années plus tard et ouais. Malheureusement qui repose en paix parce qu'il nous a quitté il y a pas longtemps mais et puis t'as Henrik Larsson aussi qui va faire ses débuts. Ouais. Qu'est-ce que j'adorais jouer moi. Henrik Larsson pour moi c'est waouh, c'était un sacré joueur aussi lui. Un sacré joueur. T'as le meneur de jeu Schwartz aussi là qui joue. Ouais. Je sais plus où il joue exactement. Il a joué Arsenal juste après il a joué à Benfica. Est-ce qu'il a Benfica voilà c'est voilà. Ça. Voilà, ouais. Voilà. Il joue à Benfica, il a joué à Arsenal, ça a pas trop marché. Enfin voilà, il a fait plusieurs équipes en Europe quoi, beaucoup en Angleterre. Et puis Thomas Ravelli, le gardien de but. Bah Thomas Ravelli, voilà, ça c'est. Avec sa casquette, tout le monde le avec connaît. Avec sa casquette, ah, ouais, mais ça c'était un sacré gardien aussi. Hein. Ah ouais. Ça a été une des stars de la Coupe du Monde hein, parce que. Ouais. On le verra plus tard, mais. Il y avait pas mal d'équipes défensives finalement qui sont arrivées assez loin, mais avec une ou deux stars en attaque, mais c'était globalement, on va dire, assez mitigé, mais les gardiens ont été énormément mis en valeur et bizarrement, il a jamais évolué ailleurs que. Enfin, ailleurs, il a toujours. Il n'y a jamais une grosse écurie européenne. Enfin. Ouais. Qui l'a engagé, il a toujours joué en Suède, il a juste fait une pige à Tampa Bay en MLS, mais c'est tout, après il a joué qu'en Suède. Il s'est pas expatrié lui, franchement. Malgré son talent, je pense qu'il aurait pu jouer comme un Schmeichel en Angleterre. C'est vrai. Et bon, maintenant l'équipe du Brésil, bon le Brésil, elle avait fait une Coupe du Monde un peu décevante en 90 en se faisant éliminer dès les huitièmes contre l'Argentine. En étant empoisonné. Avec les bouteilles d'eau. Qu'est-ce qu'ils avaient mis dedans Je sais pas, ils avaient pris des somnifères, voilà. Ouais. Et puis non mais cette anecdote elle est géniale quoi. Si un jour on fait la Coupe du Monde 90, putain. Ah bon, on pourra la faire. C'est pas la meilleure, mais on pourra la faire. Quand le coach vient dit à Diego non prends pas cette bouteille prends ah, ouais. Les meilleurs d'ailleurs on en avait parlé avec Retro sur la Coupe du Monde 78 voilà ouais. C'était on en avait parlé de cet épisode là bon, c'est fou quoi bon, c'est génial quoi. Mais voilà cette équipe du Brésil franchement elle est magnifique quoi il y a que des bons joueurs dedans on les connaît pas tous mais on connaît Romario à l'époque il était à alors il était au Barça ou il était au PSV non il était au Barça hein. Il a fait une finale ouais, ouais, là, voilà, c'était sa première saison ouais. Au Barça t'as Bebeto t'as Rai qu'on connaît au PSG Et puis t'as un joueur qui est jamais rentré, je crois pas qu'il est rentré, qui s'appelle Ronaldinho à l'époque. Ouais. Mais en fait c'est Ronaldo qu'on découvrira 2 ans après ou même un ou 2 ans après. Et à l'époque il s'appelait Ronaldinho et faisait partie des remplaçants du Brésil. Ouais, le petit Ronaldo. Ouais. Voilà. Mais il a jamais joué. Un seul match, une seule minute. Je crois pas, hein, ouais, il est resté sur le banc. Ouais. C'est la stat qui tue quand même. T'es champion du monde en ayant joué 0 match. Bah, alors est-ce que c'est considéré comme champion du monde en ayant joué aucun match? C'est ça le truc. Parce que normalement, tu dois avoir joué au moins une minute pour être considéré comme champion du monde. Tu penses? Je sais que quand t'es champion de France, ou faut avoir au moins joué une minute pour être pour avoir ta médaille. Ah ça c'est Thierry à l'époque qui avait dit. Ouais. C'est ça. Ouais. Il a inventé des règles Thierry. Ça va être ça. Ah, je sais pas. Non mais bon je vois ce que tu veux dire bien sûr. Après de toute manière t'as pas du tout participé sur le terrain. Après peut-être dans la vie de groupe bien sûr que t'as. Bien sûr ça t'as participé bien sûr. T'as pas créé de problème tout ça bon. Mais de voir un talent aussi énorme être conservé, c'est un peu intrigant, entre guillemets. Genre, c'est vrai. On va le garder pour le plus tard, vous le verrez plus tard. On a tellement de bons joueurs. Ouais. puis on l'aura vu plus tard. Hein. Ouais, voilà. Non, mais Romario, c'est un joueur qui a fait une finale de Ligue des Champions traumatisante ouais. Un ou deux mois avant, en fait. Un mois avant, ouais, parce que quand ils partent 4-0 à Athènes contre le Milan. Contre le Milan. C'est vrai que ça pouvait laisser des plumes, hein. Tu pouvais avoir le moral à zéro, puis bon, en fait, ça s'avérera que ça se passera plutôt bien pour lui, quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis Bebeto, moi, je le voyais comme un futur grand, parce que je sais pas, à l'époque, il n'est pas forcément confirmé. Au niveau européen, il jouait à la Corogne à l'époque. Ouais, il avait pas forcément fait grand chose. Après, ouais. C'était un grand technicien, mais. Je veux dire, c'était un peu comme un, je sais pas, comme un Djorkaeff à l'époque quand il était à Monaco, quoi. Il fallait ouais. qu'il fasse quelque chose sur le plan. Pour moi, je trouve qu'il a pas eu la carrière qu'il aurait dû mériter, en fait, qu'il aurait dû avoir. Il a joué longtemps. Il a joué super longtemps, mais il a pas connu les grands clubs européens. Bon, Deportivo La Corogne, c'était bien, ouais. mais c'était pas les top clubs européens, quoi. Je vois qu'il a fait aussi Séville. Mais après il a joué aux États, il a joué pardon au Brésil, il a joué un tout petit peu il a joué un tout petit peu en au Japon mais sans vraiment s'imposer quoi. Enfin tu vois c'est je pense qu'il a dû louper, je sais pas ce qui a pu le faire louper une carrière brillante quoi. Ah peut-être la famille, les Brésiliens ils sont très attachés famille donc c'est possible. La femme n'est pas voulu suivre ou des choses. Est-ce que c'était un fêtard comme Ronaldinho, comme Romario, est-ce que c'était Je pense que lui c'était quelqu'un de plus sérieux, ouais. Ouais. Et c'est à cette Coupe du monde que ce sera la première fois qu'on verra un joueur bercé après un but faire le signe de quelqu'un qui berce un enfant quoi. Ça sera marquant aussi. Ça m'avait marqué cette joie de ce joueur parce que moi j'ai commencé à regarder le premier match où j'ai un petit peu de souvenirs, c'est Brésil-Russie, mais après le premier match que j'ai regardé en entier, que je me souviens bien, c'était Argentine-Grèce un jour après. Ça, je m'en souviens de celui-là. Tout le monde s'en souvient. Ah bah bien sûr. Tout le monde s'en souvient parce que voilà, on verra. On y arrivera dessus de toute façon. Mais non, le Brésil, c'est une puissance énorme au niveau du collectif. Ah oui. Et même ils sont venus jouer à Paris au Parc des Princes. Ah ouais, ils avaient battu la France. Ils avaient voilà, il y avait eu que 2-0 je crois, mais ils les ont écrasés, dominés dans le jeu. Techniquement, la France était largement en dessous quoi. Largement en dessous hein. Ouais. Et je me souviens que c'est là qu'on avait repéré Rai justement et que, c'est vrai. Les joueurs du PSG, le président du PSG avait voulu le recruter. Ça a été une sacrée recrue. Hein. Ouais. C'était en quelle année, 92 ou 93 qu'ils ont joué contre le Brésil? Je pense que c'est 92. Hein. Ouais, 92, je crois. Ouais. Je pense. Hein. Après, bon, faut toujours vérifier après les dates exactes. Hein. Mais non, mais je pense que c'est 92 parce que j'avais vu ce match-là pendant mes vacances en été. Donc je pense que c'était les vacances d'été 92. Après, ouais. Les souvenirs lointains, faut toujours se méfier. Ah, c'est ça, c'est un peu. Voilà. On s'embrouille un peu. Ouais. Donc voilà, ces équipes auront la chance de jouer à Los Angeles, Détroit et San Francisco. Trois belles villes, pareil. Voilà. Le groupe C avec l'Allemagne, l'Espagne, Corée du Sud et Bolivie. Donc moi, ce qui m'a fait rire, c'est la Bolivie parce que c'était soi-disant une superbe équipe avec un super milieu de terrain. Ouais. Et puis on n'a rien vu. On n'a rien vu. On devait pas être assez connaisseurs, je pense. Et parce que bon, après l'Allemagne, champion d'Europe, non, est-ce que je dis des bêtises? Champion du monde. Vice-champion d'Europe et champion du monde, voilà, c'est ça. Et l'Allemagne sont arrivés là avec les mêmes joueurs que 90. Donc, c'est vrai. Déjà, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'ils vont tenir toute la compétition avec les mêmes joueurs. Parce que, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Toi en Allemagne, quel joueur t'avais vraiment aimé dans cette équipe? Klinsmann, j'ai jamais vraiment aimé ce joueur-là, mais Klinsmann, il y avait Klinsmann, t'avais qui d'autre aussi que... Attends, j'essaie de faire marcher mon... Matthäus, il y avait... Ouais, t'avais Matthäus. Thomas Hassler. T'avais Effenberg aussi, t'avais Jürgen Kohler aussi, t'avais... Il y avait ouais, voilà. Summer, Mathias Sammer aussi qui était reconnaissable aussi. Voilà, ouais. Mathias Sammer avec qui était rouquin, qui était reconnaissable. Mais bon, pour moi, l'Allemagne, ça n'a jamais été une équipe qui m'a fait rêver. Bon, il y avait Rudi Völler aussi. Ouais. On n'a pas beaucoup vu, hein, qui était plus vraiment là sur le déclin, Rudi Völler. Mm. Mais sinon, s'il y a vraiment un joueur que je te dis, c'est Jürgen Klinsmann. Voilà, ouais. Ouais. En plus, il jouait en France à l'époque. Ouais. Il jouait à Monaco. Ouais. Bah, c'était sa dernière saison, je crois, à Monaco en plus. Ah, c'était un super joueur, hein, avec ouais. Franchement, moi j'ai que des bons souvenirs de lui. Je me souviens pas l'avoir vu rater des choses impossibles, un peu comme Cavani, quoi. Mmh. C'était un joueur hyper efficace, hyper concentré. En plus, c'est un joueur en fait qui avait joué déjà des finales en fait de Coupe d'Europe hyper jeune. Quand il jouait à Stuttgart contre le Napoli, là, il avait joué en 89 la Coupe UEFA. La finale. Mm. Et je veux dire, c'était un joueur, à l'âge qu'il avait, il avait énormément d'expérience déjà, quoi. Ouais. Coupe du Monde 90, enfin tout ça, quoi. C'est Euro 92, la finale. Il avait déjà joué au moins 4 ou 5. Peut-être, il avait déjà joué 3 finales, mais peut-être une 4e ou une 5e d'une autre coupe dont je me souviens pas, je veux dire. Et demi-finale de Ligue des Champions aussi avec Monaco contre le Milan, en fait, aussi. Hein. Mm. 93, je crois, si je me trompe pas, ou 94. Ouais. Et puis non, c'était une belle équipe d'Allemagne, mais après, bon, on verra dans la suite de la compétition que finalement, en fait, le fait de mettre les 11 mêmes joueurs à chaque match, ça va leur jouer des tours. Mmh. Donc, l'équipe d'Allemagne, c'est une bonne équipe, mais à voir. Et bon, l'Espagne, à cette époque-là, l'Espagne, c'est une nouvelle génération qui arrive après celle de 80, on va dire 86, 88, avec Mourinho et tout, qui ont un peu disparu. 84 surtout, la génération 84, ouais. Parce qu'ils sont pas qualifiés à l'Euro 92, hein, faut dire, l'Espagne. Non. Et en Italie, ils ont rien fait du tout en 90. Hein. Donc, après, quel sentiment t'avais, toi pour cette équipe d'Espagne, un peu avec les nouvelles générations? Il y avait Guardiola, il y avait des joueurs comme... je crois qu'il y avait Julio Salinas, mais je suis pas sûr. T'avais Salinas, t'avais Caminero, t'avais... Bon, c'était une équipe qui pouvait... c'était une équipe bonne à en devenir, mais en fait, cette équipe-là, elle a jamais rien fait, en fait. L'Espagne a toujours été décevante. Tu pouvais leur donner un petit billet pour qu'elles aillent loin. Elle n'est jamais allée aussi loin. Je vois pour l'Euro 96, c'est pareil. Elle avait juste fait un partout contre la France. On se disait, tiens, pourquoi pas, l'Espagne, elle peut aller loin. En fait, elle a jamais rien fait. Ouais. Elles sont toujours arrêtées en quart de finale. Voilà, il n'y a jamais eu... Il manquait quelque chose. Je pense qu'il manquait un tueur à cette équipe d'Espagne, quoi. Il manquait quelque chose qui pouvait les faire aller loin, quoi. Ouais. Bah, c'était un peu le même problème qui a duré des années et des années pour l'Espagne, hein. C'était un peu comme le mal de 93 pour la France, hein. Des individualités séparées par deux gros clubs. Et finalement, l'équipe nationale n'a jamais fonctionné jusqu'à ce qu'ils se remettent tous en question 10 ans, 15 ans après. Hein. C'est ça. Donc, l'équipe d'Espagne, ouais, voilà, c'est... À chaque fois, c'était des belles générations de joueurs qui avaient hyper technique, hyper tactique, mais à un moment donné, dans leur tête, ça implosait quand ils se faisaient mener. Je sais pas pourquoi. C'est ça. C'est un peu comme la Yougoslavie, tu sais, qui perdait les pédales à chaque match. Quand ils se prenaient un ou deux buts d'avance, ils n'arrivaient plus, ils lâchaient tout. Ouais. Ils perdaient tous leurs moyens. Un problème de mental ou de cohésion de groupe, sûrement. Ouais. Et puis la Corée du Sud, donc comme tu as dit tout à l'heure, là, qualifiée in extremis. Là, elle, vraiment, c'est vraiment l'équipe surprise qui est qualifiée vraiment in extremis au tout dernier. De toute façon, c'est exactement le même mot. Enfin, c'est vraiment au tout dernier moment. Bon, c'est une équipe que tu découvres. Enfin, que tu découvres. Elle avait été à la Coupe du Monde 86. Ouais. Mais c'est moins décevant que la Bolivie, mais ça montre pas grand chose, quoi. De toute façon, elle gagne pas aucun match, elle fait deux matchs nuls, une défaite. Mm. Elle fait quand même l'exploit de faire match nul contre l'Espagne. Mais c'est encore assez faible. Hein. Mm. Ah, c'est certain. Ouais. Donc voilà, quatre équipes en fait qui joueront à Chicago, Dallas et Boston. Mmh. Ensuite le groupe D avec le Nigeria, l'Argentine, la Bulgarie et la Grèce. Donc c'est le groupe où la France aurait dû être. C'est le groupe où la France aurait dû être. Et là, on va découvrir le Nigeria déjà. Ouais. C'est vrai que bon ben c'est une nouvelle équipe africaine va entrer hein, dans cette Coupe du Monde, et le Nigeria qui va nous époustoufler. Mais juste avant, je vais juste revenir sur cette équipe d'Argentine contre la Grèce. Pour moi, c'est un match exceptionnel. Le but de Maradona, ça se joue tout en une touche de balle. Ce but-là, il est exceptionnel. Même le but de Batistuta, il marque deux buts en dehors de la surface de réparation. Pour moi, cette Coupe du Monde 94, c'est des buts de loin, quoi. T'as l'impression que le ballon, c'est des ballons de plage, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est des frappes de loin. C'est super. C'est vraiment, il y a des très jolis buts. Mmh. Et Maradona, qui marque un but vraiment exceptionnel, et puis qui arrive vers la caméra, et puis tu te dis, mais putain, il avait une tête bizarre, Maradona. Il était méconnaissable. Mmh. Je sais pas comment t'expliquer, mais il était très affûté, mais tu le reconnaissais pas par rapport aux autres Coupes du Monde. Il avait une tête qui était pas pareille qu'avant. Alors, je veux pas mettre le dopage dans le truc, mais je sais pas. Il était creusé par l'âge, et puis creusé par les efforts physiques qu'il avait fait pour revenir. Déjà. Voilà, ouais, c'est sûr. Et puis après, bon, les produits qu'il a dû utiliser. Il a dû prendre aussi, voilà. Ça l'a vraiment creusé physiquement encore plus, quoi. Surtout qu'en plus, il a eu des gros problèmes avec Naples, donc pendant un an, il n'avait pas pu jouer parce qu'il avait eu des problèmes de dette extra-sportif, voilà, il y a eu des problèmes de drogue qui avaient été révélés. Donc c'est vrai que pendant un an, il joue pas. Après, il est pris par un an à Séville, où il est un peu, il a de l'embonpoint, il est un petit peu gros, quoi. Et puis bon, c'est vrai qu'il revient la saison de la Coupe du Monde. Il joue très peu avec le Newell's Old Boys, mais bon, on le prend quand même en Coupe du Monde parce que c'est, on sait que ça peut être une valeur sûre. Mmh. Et Arvien, c'est vrai qu'il est très très très affûté et il fait un très bon match contre la Grèce. Hein, c'est quand même voilà. Hein. Ah, c'était un des plus beaux matchs. Ah ouais. De cette Coupe du Monde avec. Ah oui, c'est parti des plus beaux matchs là. Ouais. Ouais, c'est sûr. Agréable à regarder, et puis même. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de voir Caniggia, des joueurs comme Diego Simeone en milieu de terrain. Je veux dire, toute l'équipe était belle. Batistuta, t'avais voilà, t'avais. Il y avait Redondo aussi, je crois, mais je suis pas certain. Redondo, mais qui doit pas jouer c'est l'autre. Non, il joue, hein, mais c'est le deuxième. Ouais. C'est contre le Nigeria qui joue. D'accord. Ouais, excuse-moi, contre la Grèce, il y est. D'accord. Mm. C'était vraiment une belle équipe. C'est une belle équipe, hein. T'avais Balbo aussi. Abel Balbo, voilà, ouais. Non, ça, c'est une équipe qui fait plaisir à voir, à Foxborough, ça joue le premier match dans un super stade. Enfin, le stade est quand même, il est beau, ce stade de Foxborough. Il est bizarre, Il est fait pour le foot, hein. Il est fait pour le foot, voilà, ouais. Bon, tu vois un peu les limites qu'a l'équipe de Grèce, à cette époque-là, de toute façon. Ouais. De toute manière, l'équipe de Grèce, moi je compare ça un peu à la Bolivie, et puis à la Côte d'Ivoire. Oui, voilà, ouais. Ils sont là parce que bon, à cette époque-là encore, il n'y avait pas des grandes nations de football dans tous les pays. Il y avait encore cette carence de formation de joueurs nationaux les pays. Qui a été copié après pour l'équipe de France de 98 dans plein d'autres pays. L'Allemagne est venue en France voir comment ça se passait dans la centre de formation. Exactement. Il y a eu plein de pays qui ont investi dans les infrastructures ensuite pour créer justement un Clairefontaine à domicile dans leur pays, justement être plus performant dans la formation de jeunes pour le futur, quoi. Il y a peut-être que l'Angleterre aujourd'hui qui est un peu déroge à cette règle, oui, mais du fait de leur championnat très riche, quoi, qu'ils prennent que des étrangers. Bah oui. Je veux dire. La Grèce, faut pas s'attendre à grand chose de cette équipe-là. Ah bah non, de toute façon, tu te disais, de toute façon, ils vont se prendre une pilule par toutes les équipes. Hein, Non mais c'est vrai, tu pouvais pas te dire la Grèce va faire quelque chose. Hein. Même moi qui connaissais pas grand chose au foot, je savais que la Grèce c'était pas une grosse nation de foot. T'avais juste 2-3 clubs en Grèce qui faisaient peur, le Panathinaikos, l'Olympiakos et peut-être la EK Athènes. Mais après, ça s'arrêtait là, quoi. Ouais, c'est certain. Moi, je me souviens d'un truc marrant, en fait. C'était toujours les commentateurs de France 2 à l'époque, et je crois qu'il y avait Didier Roussan, et ils s'amusaient tout le temps à faire des jeux de mots avec le gardien de but. Bah Minou, il s'appelait Minou, voilà. Et Roland aussi. Non mais bon, c'est... il y avait plein de... parce que c'était un côté, il y avait toujours ce côté un peu chauvin et voilà. Moqueur de l'étranger de Moqueur. Ouais, c'est donc, ça. Dès qu'il pouvait, il pouvait pas s'empêcher. Mais bon, ça égayait en fait les matchs très moyens de la Grèce quand on les voyait jouer, quoi. Parce que là, quand ils avaient voilà, le ballon, c'était pour rien. Sûr. Et là, le deuxième match, Nigeria-Bulgarie, où je pense que la plupart de la France était pro-nigérian. Oui. Ouais. Et le Nigeria qui surprend et qui bat la Bulgarie 3-0, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est clair que ce match-là, il n'était pas forcément. C'était une surprise quand même parce que le Nigeria. Autant dominer la Bulgarie. On connaissait quelques joueurs, hein, Daniel Amokachi, on savait qui c'était, ouais. Sunday Lulise, on savait qui c'était. Voilà, enfin, t'avais quand même Finidi George aussi, je me souviens de ce joueur-là, et puis ils avaient un maillot assez spécial aussi. Mais bon, c'est quand même une surprise de voir le Nigeria battre la Bulgarie quand même, parce que tu te dis la Bulgarie, bon ben voilà, ils vont enchaîner et puis t'as quand même voilà t'as Lechkov, t'as Stoïkov, hein, t'as quand même une pointure hein, pour la Bulgarie hein, c'est pas non plus des peintres qui sont sur le terrain. Ouais, c'est certain. Ouais. Ils perdent 3-0 quoi. Hein. Bah, les matchs d'ouverture font souvent mal pour les équipes qui sont pas concentrées, on va dire ça comme ça. Après comment dire, on a le groupe E avec l'Italie, la Norvège, le Mexique et l'Irlande. Donc, on a quatre équipes qui vont s'avérer pratiquement de force égale. C'est un peu étonnant. C'est fou. Parce que, il est fou ce groupe en fait. Ouais, c'est un peu étonnant parce qu'on verra par la suite que c'est des équipes qui vont se qualifier en fait grâce à un but de plus ou un carton jaune de moins ou des choses comme ça. C'est assez hallucinant. Là, c'est l'usine à gaz hein, ce groupe. Hein. Et, ouais. Bon, l'Italie qui part favori hein, pourtant. Hein. L'Italie avec voilà, il y a quand même une petite ossature de grands clubs italiens comme le Milan, la Juve. Il y a qui d'autre? Il y a Parme aussi avec des joueurs comme Moussi. Il y a Roberto Baggio, Dino Baggio. Dino Baggio qui est encore à la Juve, je crois. Il n'est pas encore à Parme. Sinon, il y a Gianfranco Zola. Ouais. Malheureusement, il y a des grands joueurs, des grands attaquants qui sont pas présents en Italie comme Ravanelli, je crois, et qui sont blessés en fait. Il y a un autre attaquant de la Juve aussi qui est pas présent, je sais plus. Enfin, Zola qui jouera même pas un match avec l'Italie. Hein. Bah, il a joué un match, mais il se fait expulser en fait. Il se fait expulser en fait et finalement en fait il n'aura pas servi à grand chose. Ouais voilà. On verra, il y a un match maudit pour l'Italie, c'est le deuxième match, c'est Italie-Norvège, c'est catastrophique. Je veux pas dire, on en dira. Bon, on en parlera vite fait, on fera pas épilogue dessus, mais. Oui, bien sûr. Mais c'est un match vraiment où tous se retournent contre l'Italie et on dit que l'Italie, ils sont éliminés, c'est terminé, quoi. C'est sûr. Et après, on les retrouve en finale, quoi. C'est un peu la magie, quoi. C'est le Portugal de... Ah ouais, mais tu sais quoi? C'est une très bonne... Mais c'est ça, le Portugal de 2016, l'Italie 94, c'est le Portugal de 2016, quoi. Sauf que, bon, le Portugal, ça s'est mieux terminé pour eux, mais... Il y a des similitudes... Cette Coupe du Monde 94 a beaucoup de similitudes avec l'Euro 2016. Hein. De toute façon, on en avait déjà parlé hein, lors des podcasts de l'Euro. Ouais, ouais. Non, mais finalement, en fait, je me moquerai moins des Portugais dans le futur parce que bah, c'est ça, hein. Moi, l'Italie que j'ai supportée en 94, je m'en suis pas rendu compte tellement j'étais fanatique. Quoi. Roberto Baggio, pour moi, c'était le meilleur joueur de l'époque avec son Ballon d'Or. Il n'y avait pas photo, quoi. Mais c'est sûr. C'est vrai, c'est le Cristiano Ronaldo de l'époque, on va dire. Hein. Il a porté son équipe en finale, tout seul. C'est un peu dur avec... avec qui un peu Baggio, hein, quand même. Hein. Non, mais... Oui. Cristiano, il faut dire la vérité, Cristiano, il est aujourd'hui plus complet, plus fort que Robert. Bien sûr. Bah oui, c'est autre chose, ouais, c'est sûr. C'est un autre football plus moderne. C'est vrai. Après, Roberto Baggio, il a eu tellement de blessures aux genoux, répétitions. Lui, il n'a pas eu de chance dans sa carrière. Ouais, c'est le joueur, voilà, c'est comme on l'avait dit, c'est l'histoire de sa vie, la malchance. Voilà, la malchance. Parce que ça aurait pu être ce mec-là, c'était agréable de le voir jouer. Ce mec-là, tu ne pouvais que l'aimer, ce mec. L'intelligence qu'il avait dans tout ce qu'il faisait. Voilà. Mon Dieu. Lui, il a joué dans tous les Milans qui pouvaient exister. Ouais. Jamais personne lui en a voulu d'être parti de Milan assez pour aller à l'Inter. Ouais. Faut avoir les coronets pour le faire. Il l'a fait. Il s'est toujours bien débrouillé dans les équipes où il allait. Non, ça a été un sacré joueur, ce mec-là. Hein. Ouais. Mais moi, ça m'a fait quand même du mal après la Coupe du Monde 94 de le voir complètement dégringoler dans sa carrière. Ouais, c'est vrai. Parce que même si après 94, en fait, moi, je me souviens des titres de l'équipe où, en fait, il y avait Berlusconi qui disait on va acheter Roberto Baggio, meilleur joueur de la Coupe du Monde, on va faire venir à Milan, il sera plus à la Juve, vous verrez. Et dès le mois d'août, il arrive à Milan, ça y est, c'est réglé. Grâce à Berlusconi, mais voilà. Il ne sait pas dans quel pétrin il s'est mis, Baggio, parce que mentalement, il ne s'est pas remis de son penalty raté. Voilà. Et sincèrement, pendant 2 ans, c'est un trou noir, en fait, dans sa vie footballistique. À Milan, ça marche pas. Après, il va à l'Inter, ça marche pas non plus. Il y a trop de stars autour de lui. Il n'arrive pas à se surpasser. Parce que pour lui, avoir joué une finale de Coupe du Monde, c'était le top. Il se dit dans sa tête que finalement, peut-être qu'il n'en jouera plus jamais de sa vie. Il n'arrive pas à se surpasser. Il a raison. Ouais. Et de toute façon, il le dit toujours, hein, qu'il en rêve toujours la nuit. Hein. Il est en cauchemar de la nuit. Hein. Ouais. Ça ne l'a pas encore. Il n'a pas réussi à se dépêtrer de ce mauvais souvenir. C'est dingue, parce qu'un joueur aussi précis que lui, ne même pas cadrer la balle, quoi, c'était... C'est pour lui, je veux dire, il s'est fait mal tout seul, quoi, en faisant ça. Comme quoi, ça peut arriver au meilleur, quoi, malheureusement. Ouais, bon, on y a vu avec Trezeguet. Platini, mais bon, on y avait vu avec Trezeguet en 2006, hein, c'était vraiment... il était vraiment au sommet de son art, il était quand même en 2006, il était encore très bon, très aigué, hein. Il l'a loupé et celle-là fait dégringoler après dans la suite de sa carrière. Ouais, c'est vrai que Platini, hein. Lui, il a pas dégringolé après, ouais, c'est vrai que... c'est pas pareil. Oui, ouais. Lui, il a dégringolé, mais bien plus tard, lui. Ouais. Donc voilà, le Norvège, pareil, c'est même pas un outsider, c'est un sparring partner qui est là. Oui, c'est ça, ouais. Juste pour défendre et faire chier les autres équipes. Et puis bon, le Mexique, il joue un peu à domicile aussi. Le Mexique, c'est l'équipe rivale des États-Unis historiquement. Ouais. Et je pense qu'ils veulent tout faire pour montrer qu'ils sont plus forts que les Américains et arriver le plus loin possible. Mais bon, avec les gens. J'aurais été très surpris. Ça m'aurait plu de voir un Mexique-États-Unis en 94. Ça aurait eu de la gueule. Ouais. Franchement, ça aurait eu de la gueule. Je sais pas où il l'aurait fait jouer, mais ça aurait eu de la gueule, je pense. Ouais, ça aurait eu de la gueule. Ouais. C'est sûr. Bah, tu l'aurais fait jouer. Bah, j'ai remarqué quand ils font des Gold Cup ou des choses comme ça, c'est souvent à New York. Bah ouais, voilà, ils le font jouer dans le. Ouais, à New York, parce que s'ils le font jouer à Los Angeles, ils savent que forcément. Panique, ouais. C'est pro-hispanique, donc il y aura plus de. Voilà. Mais ouais, non. Non, mais maintenant, je sais pas quel de. Gueule saurait, mais à l'époque j'aurais bien voulu voir. Je pense que le Mexique aurait peut-être fait quelque chose, mais ça aurait été beau à voir, ouais. Ouais, c'est certain. Ouais. Et donc l'Irlande aussi, avec Roy Keane, des quelques joueurs de première ligue. Mais bon, c'est pareil, c'est des joueurs qui sont pas forcément titulaires dans leur club, mais qui jouent avec le cœur, en fait. Voilà. Et entraîné par le frère de Bobby Charlton, ouais. Jack Charlton, ouais, à l'époque. Mmh. Bon, la seule équipe qui a depuis, je n'ai pas souvenir d'avoir ça, qui a une pub sur son maillot. Ah, Opel. En effet. Ouais. C'est vrai que historiquement, en fait, pour une Coupe du Monde, c'est assez incroyable, hein, parce que je sais pas dans quel contexte ils ont pu avoir l'accord. Le droit, ouais, d'avoir un. Ouais. Et... ouais. Ouais. T'as vu à l'Euro, ils avaient bien quelque chose, non, sur leur maillot, non? Je sais qu'en Italie, en 90, bah, je confonds peut-être rien. Je confonds peut-être avec le rugby aussi, parce que c'est vrai que le rugby c'est devenu ils ont presque tous maintenant un maillot avec de la pub dessus, mais pour l'époque c'est quand même je sais pas, c'est du jamais vu, quoi. Ouais, c'est certain. Mais bon, cette équipe d'Irlande, Par rapport, tu vois, aux équipes comme la Norvège, la Bolivie, etc., c'est une équipe qui joue vraiment avec le cœur et les tripes. C'est le fighting spirit. Voilà, c'est le fighting spirit irlandais, de toute et façon. Et de les voir jouer, on parlera du premier match plus tard à Italie-Irlande, et de les voir jouer, c'est pas que c'est spectaculaire, mais il y a tellement d'envie et de hargne, on a l'impression de regarder un film au cinéma, en fait. C'est vrai, ils se battent. Et de pas savoir ce qui va se passer à la fin, tellement ils peuvent marquer dans les dernières secondes ou dans des moments où ils sont très faibles par terre. Puis bon, ils savent qu'en plus, là-bas, ils peuvent avoir le soutien des supporters, parce qu'il y a une grosse communauté irlandaise, l'Italie République d'Irlande, de toute façon, voilà, c'est le match des communautés, de toute façon. Ils ont choisi la ville parfaite à New York. Bien sûr. Avec Little Ireland, et je crois que c'est Little Italy aussi, ils appellent ça. Little Italy, ouais. Et donc, les deux là, les deux communautés, un peu comme les Chinatown dans d'autres villes. C'est vrai. Il n'y a que des Italiens, que des Irlandais. Et dans le stade est magnifique aussi. Hein. Le stade, il sera vert et bleu. Avec une légère brume. Il pleuvait un tout petit peu, je crois, C'est possible, ouais, je pense, ouais. Et c'était vraiment un temps parfait, en fait, pour les Irlandais, je crois. Ouais. Enfin, c'était un beau spectacle. Ouais, c'était un beau spectacle, ouais. Ouais. Donc, c'est des équipes qui joueront à Washington, New York et Orlando. Orlando, une ville, avec toujours ce côté touristique. Le Citrus Bowl, en plus, le seul stade qui a un côté qui est pas fini, quoi. Enfin, c'est vraiment. Ouais, c'est que c'est un stade, ils appellent ça le bowl, en fait, mais t'as une partie qui y a rien, y a pas de tribune. Ouais, qui donne sur un espèce de lac, en fait. Voilà. Et puis d'ailleurs, maintenant, c'est l'équipe de. Comment s'appelle l'équipe de. Où il y a Kaka qui joue actuellement en MLS, là. C'est le Miami. Ah, il joue là-bas? Bah, j'ai l'impression, je crois, hein, je suis pas, je dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'il joue là-bas. Ah, bah, faudra voir, ouais. Ouais. Bon, la MLS, je m'intéresse pas tellement à ça. La MLS, entre nous, s'ils continuent à prendre des joueurs de 45 ans, ça va pas le faire. C'est ça le problème. Et puis ils font de plus en plus d'équipes. Voilà, ça va être au bout d'un moment, il faudrait qu'ils fassent jouer plus les joueurs de leur pays et qu'ils arrêtent de prendre trop de joueurs en fin de carrière, quoi. Ouais, c'est insupportable. Voilà. Et enfin, on a le dernier groupe. Voilà, dernier groupe pour terminer cette partie. Moins intéressant, je sais pas, mais pour moi le groupe où je me suis moins intéressé, malheureusement, c'est les groupes de l'Allemagne et le groupe avec les Pays-Bas. Pourtant, les Pays-Bas, voilà quoi, c'est. Mais voilà, t'as un derby entre guillemets. Hein, attention, ils aiment pas trop. Mais Belgique, Pays-Bas. Flamand, ouais. Belgique, Pays-Bas avec l'Arabie Saoudite. Très surprenante, Arabie Saoudite. C'est vrai que comparé aux autres Coupes du Monde qu'elle jouera plus tard, ça a été une des meilleures équipes d'Arabie Saoudite. Ouais. Avec un but exceptionnel, comment il s'appelait Al-Awaran, qui fait il dribble tout le monde. Il dribble tout le monde, et malheureusement, qui sera après mis en prison parce qu'il n'aura pas respecté le ramadan dans son pays. Enfin, il y avait un truc comme ça qui s'est passé. Mais voilà, il y a le Maroc aussi qui va faire pâle figure, qui fera chou blanc là-bas en perdant tous leurs matchs. Mais le Maroc, ça serait marrant de voir aux dépens de qui ils se sont qualifiés, en fait, parce que le Maroc, pareil, ils sortent d'un groupe de qualification, je pense, d'Afrique du Nord. Et à cette époque-là, est-ce qu'il n'y avait pas meilleure nation, peut-être, pour jouer? Parce que le Maroc, comme tu dis, je me souviens d'aucun de leurs matchs. Et je me souviens. Alors je crois que c'est contre les Pays-Bas où ils perdent 2-1 et où ils ont l'occasion d'égaliser au moins deux fois et ça tape sur la barre et sur le poteau. Ouais. Ils ont pas de chance. Ouais. Mustapha Hadji, ouais, je pense qu'il y a. Ouais, t'as Mustapha Hadji, après les joueurs, j'ai pas de souvenir. À part Hadji, c'est tout. Hein. Le reste, je connais pas. Ouais. Et donc, ouais, les Pays-Bas et la Belgique, c'est deux bonnes équipes européennes. Mmh. Bon, la Hollande qui s'est qualifiée aux dépens de l'Angleterre. Et c'est pareil, hein, les trois premières équipes terminent avec 6 points, quoi, avec 2 victoires, une défaite. Et non, c'est la Hollande, c'est vraiment une bonne équipe parce qu'il y a des joueurs comme Richcard, Bergkamp, Marco Overmars. Il y a bon le gardien, c'est moyen. Et De Gruy, c'est un peu moyen. Bon, la De Gruy, ouais. T'as Michel Prodhomme qui est... En fait, c'est une équipe. T'as beaucoup de joueurs sur leur fin de carrière. T'as Michel Prodhomme qui va le gardien qui va arrêter, qui doit arrêter après la Coupe du Monde, je pense. Il a été élu meilleur gardien de 94. Hein, ouais. T'as Ed De Gruy. Ah oui, pardon, je suis en train de regarder la Belgique. Excuse-moi, pardon. C'est les Pays-Bas qu'on parle. Ed De Gruy, pour moi, ça a toujours été un gardien bizarre, un gardien. J'ai l'impression qu'il était shooté à chaque match. Ouais. Il jouait à Chelsea, je me souviens, ce joueur-là, t'as l'impression qu'il était complètement shooté. Mais voilà, t'as encore Ronald Koeman qui. Voilà, t'as Koeman, t'as Franz Rijkaard. Ouais, c'est quand même une belle équipe, cette équipe de Pays-Bas quand même. Hein. Puis t'as Dennis Bergkamp, voilà. Dennis Bergkamp, c'est pas rien non plus, quoi. Ah, c'est certain, ouais. Il y avait vraiment des bons joueurs. Et les Pays-Bas, c'est que le début en fait de leur génération dorée, hein, parce que deux ans après, 96, il commence vraiment à voir l'éclosion des Davis, des Seedorf. Ouais, mais c'est une génération dorée, mais qui arrivera... Mettra du temps, voilà. Mais malheureusement, voilà, c'est toujours été une énigme, cette équipe de Pays-Bas, parce que tu vois, 74, avec Cruyff, voilà, t'as une équipe qui est super bonne, en fait, sur le papier, t'as vraiment une équipe parfaite, mais qui arrivera jamais à s'imposer. Ouais, malheureusement. Jamais ils arriveront à gagner un trophée. Ils ont tout pour y arriver et malheureusement il y a toujours un truc qui va faire que ils vont être éliminés au tir au but. Ils vont être il va toujours y avoir quelque chose qui vont faire qu'ils vont être éliminés. Et pourtant sur le papier c'est une équipe qui est presque redoutable quoi. Presque parce que voilà il y a toujours un truc qui va faire qu'ils vont pas y arriver quoi. C'est comme les Belges avec les Belges à cette Coupe du Monde 94, ils ont une des ils ont une belle équipe hein, ils ont Philippe Albert, Nilis, Stalens. Ah Luc Nilis, quel joueur ce joueur-là, t'as Van der Elst, t'as Enzo Schifo. Ouais. Super milieu de terrain, super attaque, mais la défense un peu bancale. Voilà. Et ils se prendront pas mal de buts contre l'Allemagne qui les sortira quoi. Mais c'est moi j'aurais bien voulu voir par exemple la Belgique dans le groupe du Brésil par exemple ou dans le groupe du Nigeria parce que ce groupe là en fait finalement tu sais que tu vas te qualifier en Belgique c'est voilà. T'enlèves la Suisse et tu mets la Belgique t'enlèves la Russie par exemple. Ouais la Russie voilà. Et puis dans le groupe du Nigeria, t'enlèves la Grèce là. T'enlèves la Grèce. Ouais, bah voilà, non mais sérieusement, ouais, ça aurait pu faire quelque chose d'autre, quoi. Ça aurait pu être beau à voir, ouais. Bah après, il y a les histoires des chapeaux, tirage au sort. Oui, bien sûr. T'es obligé de mettre deux grosses contre deux petits, quoi. Voilà, c'est sûr. Donc voilà quoi. Donc voilà, on a fait le tour hein, pour la première partie de ce podcast sur la Coupe du Monde 2014. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose ? Ouais. Non, mais il y a tellement de choses à dire. Je sais pas combien de temps cette première partie va faire, mais t'as tellement de choses à dire que tu pourras en parler 3 heures sans. Non, mais c'est vrai. Pour moi, cette Coupe du Monde, malgré que j'avais 9 ans à l'époque, que je comprenais pas grand-chose au football, mais avec le temps, pour moi, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de Coupe du Monde. Pour moi, c'est la meilleure Coupe du Monde pour le moment auquel j'ai pu. Regarder j'ai pas tout regardé, mais pour moi ça fait partie des meilleures coupes du monde qui a pu exister quoi en fait. Ouais, c'est certain. Ouais. Mais de toute manière dans la deuxième partie on parlera justement de la cérémonie d'ouverture avec le match d'ouverture, les stars qui étaient présentes. On a également Bill Clinton qui a fait son petit discours. On aura aussi des discussions sur tous les matchs marquants en fait des phases de poule groupe par groupe et puis on arrivera jusqu'aux éliminatoires et à la finale du 17 juillet et puis on vous donne rendez-vous donc pour le deuxième podcast très bientôt. Voilà, merci à vous et salut et bonne soirée.